écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Voici qui arrive Alexandra Carignan et la boîte à musique d'Alex. Voilà Alexandra Carignan. Bonjour, bon matin, bon lundi. Bien content de t'avoir tous les lundis pour la boîte à musique. La boîte à 4. La boîte à... Oh, le à tricheur. C'est un quiz. Ben oui, Guy. Mais... Voyons, tu connais pas Guy? Je connais. J'écoute pas la télé. Bon, c'est ma confession du matin. Bon, t'sais. J'écoute juste à RDI. Ah, ma confession, j'écoute trop la télé. Ah. Bon, alors, ça serait le fun de parler de TV toute la journée, mais non, on parle de quelque chose qui n'a pas d'image, en fait, pas mal juste sonore, c'est la musique qu'on les appelle. Images, pareil, oui. Mais dans ta tête. Si on veut. Faut-tu schizophrène? Ça peut être ça. Mais oui, effectivement, on parle de musique aujourd'hui. Donc, chaque semaine, je vous présente une découverte musicale. Bon, la mienne, celle-là, là, c'est pas tant une découverte. Ça fait longtemps là, que je connais ça. Et c'est un groupe que j'adore, que potentiellement vous avez peut-être déjà passé au palmarès, mais pas récemment. C'est le groupe rock d'Angleterre, Band of Skulls. Oui, une fois ou deux dans le palmarès, mais ça fait longtemps, là. Ça fait très longtemps. Et pourtant, ils viennent de sortir un nouvel album. C'est si bon. Band of Skulls, en fait, c'est un groupe qui n'a pas nécessairement un grand historique. Là, ils sont, en fait, c'est leur troisième album le dernier qu'ils ont eu, le Himalayan. Mm-hmm. C'est un groupe d'Angleterre, de Southampton, pour être plus précise. Ça prône, en fait, ça tourne entre l'alternative rock, blues rock, garage, indie. C'est du rock très, très lent quand même, on va se rendre compte. Je vais parler un peu de tout ça. Leur dernier album a changé un petit peu, mais leur premier et deuxième album, c'est des chansons qui sont assez... qui rentrent dedans, mais qui sont quand même très, très lentes dans les rythmes musicaux, là, dans les termes. Là. Et c'est ce qui est très intéressant. C'est trois personnes, une fille, deux garçons, une fille à la basse. Ça, c'est cool, sexy, ben oui, ça. Mais hein, c'est sexy. Une fille basse. C'est comme la mère dans I Met Your Mother. Oui, oui, c'est vrai. Spoiler! C'est vrai. Ajoute de la bass, ça vient de gâcher la série. Oh, gros punch de la fin de la dernière saison. Alors, ils ont trois albums. Le premier est sorti en 2009, c'est Baby Darling Doll Face Honey. Oui. Qui a été vraiment là, acclamé par la critique de A à Z. Et moi, c'est une chanson que j'ai écoutée d'eux, que je vous prépare écouter aujourd'hui parce que c'est la plus populaire. Non, et elle a été dans le palmarès, c'est en 2000. I Know What I Am. Je pense que oui. Ben, ça fait. En 2013, vous étiez en retard, sinon. Parce qu'il y avait un deuxième album qui est sorti. Ok, excuse-moi. Mais en fait. I Know What I Am, dès que j'ai entendu cette chanson-là, j'ai fait « Oh mon Dieu, je dois m'acheter cet album-là ». J'avais pas écouté le reste, mais je me suis dit « C'est clair que juste pour cette chanson-là, ça vaut la peine de l'écouter ». Et j'en ai eu pour mon argent. 2009, je te confirme. En 2009, oui, oui. 2009. Donc, que c'était sur le palmarès, dans le sens. Que ça a été sur le palmarès. L'album, ça bon, vous étiez correct. Ouais. Ok, parfait. Vous étiez en octobre. En octobre. Je suis la date exacte. Ben écoute, c'est sorti en septembre. Fait que vous étiez... Semaine 23 octobre. OK, bon. Okay. Alors, vraiment leur premier album, encensé par la critique. En 2012, ils sortent un deuxième album qui est Sweet Sour. Peut-être moins encensé par la critique parce que c'est pas le genre de groupe qui va se réinventer à chaque album. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas, en fait. Quand j'aime ce que l'artiste fait, ben donnez-moi-en. Et tu sais, ça ressemble pas nécessairement à ce que... Je veux dire, il y a pas des chansons que tu fais « Ah ouais, mais ça ressemble à telle chanson. » de leur premier album. Non. C'est du nouveau stock, mais c'est dans la même ambiance, la même rythmique, disons, que leur premier album que j'ai aimé là, pareil que le premier. Sauf que le premier, le premier, bon, mais le deuxième aussi. Et le troisième, Himalayan, qui est sorti le 13 mars dernier. Au mois de mars dernier. Là, on a quelque chose de différent parce que je vous disais tantôt, c'est du rythme très, très lent. Et là, tout d'un coup, on a des rythmes quand même assez rapides. On a du rock qui bouge, qui est énergique, contrairement aux deux autres albums qui est un rock quand même très, très smooth. Alors, et le smooth, je parle pas dans la lyricité, je parle dans la rythmique. Alors, c'est ce qui est intéressant, mais quand même, là, encensé encore une fois par la critique, le troisième album, très différent. D'ailleurs, quand j'avais été les voir en spectacle, à Montréal, ils nous avaient fait jouer, en fait, ils avaient joué une chanson de leur deuxième album, précisément, là, You're Not Pretty, But I'm Going to Go On. Cette chanson-là, ils la chantent et ils disent, pour de vrai, c'est notre chanson la plus rythmée de tout notre répertoire. Et elle n'est pas si rythmée que ça. Et finalement, là, ils ont décidé de continuer dans cette vibe-là avec leur album Himalayan. Alors, on va aller premier. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire jouer deux premières chansons. Qui vont être simultanément... Ben, pas simultanément. Tu peux t'arranger ça, si tu veux. Donc, une à la suite de l'autre du premier album et du deuxième. Donc, vous allez voir, c'est la voix du garçon, mais aussi la fille qui chante, donc qui s'alterne un petit peu. Alors, on va aller écouter une après l'autre, Dead by Diamonds and Pearl, ainsi que The Devil Takes Care of His Own. Dans la boîte de musique d'Alex, à son âge, Ricky. Didn't you read it in the details? That if you're idle, then you're weak. devil takes care of his own. Do you dare to speak his name? There's evil at the root. Cruel or kind, it's on your mind. Go on and give the dice a roll. Never did believe in saying fortunes are foretold. Easy come and easy they will go. Didn't you read it in the detail? That if you're idle and you're welfare, now you wanna know an answer. But if you're dancing, you're a dancer. Didn't you read about it? Devil takes care of his own. C'était The Devil Takes Care of His Own de Band of Skulls. Et juste avant, on a entendu Dead by Diamonds and Pearl, toujours de Band of Skulls. Donc, la première qui était du premier album, Baby Darling Dollface Honey. Et la dernière qui était de Sweet Sour, qui était le deuxième album de Band of Skulls. Alors, vous voyez, les rythmiques étaient quand même assez lentes. Ouais. Là, le rythme, à part dans le refrain de Devil Takes Care of His Own, qui est déjà plus mouvementé. Mais on reste quand même dans les rythmiques qui sont très, très lentes. Et c'est dans le deuxième album là, qu'ils vont commencer à hausser le beat pour finalement atteindre là, le climax du beat pour leur troisième album, Himalayan. Donc là, c'est tout. Je voulais vous présenter. Oui, oui, ouais, et on va aller écouter, dans le fond, une chanson de leur nouvel album qui est sorti en mars dernier, qui va quand même garder là, la même présence de gros rock, un peu garage propre, mais beaucoup plus rythmique. Alors, on va aller écouter Uchi Kuchi. Un band de garage bien rangé, ça. Playing now, what game are you playing now? What game? s'écouter. C'était Uchi Kuchi de Band of Skulls, qui était l'extrait, en fait, un extrait de leur dernier album, Himalayan, qui est sorti en mars dernier. Oh bon. Alors, vous voyez, c'était très, beaucoup plus rythmé que Dead by Diamonds and Pearl ou The Devil Takes Care of His Own. Donc, quand même très, très rythmé, mais toujours la même dynamique, goffy, quand même lourd, mais très énergique. Tellement plein de... Quelqu'un qui écoutait pas vraiment, il faisait comme « Ah, oh, ça sonnait vrai en arrière-plan, ça. » C'est ça. C'est-à-dire le détail, c'est quand même... Donc, Band of Skulls, qu'on découvrait, oui. Ben, qu'on découvrait, on découvrait pas nécessairement pour tout le monde, mais on en apprenait plus au sujet de... Oui, que c'est ça, de. Alors, c'était ma découverte de la journée. Un peu plus masculine que les dernières, hein, parce que j'avais beaucoup de filles que je présentais. Alors là, je viens de... C'est ça. Je viens de remettre en ordre l'équité des sexes dans ma chronique. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. J'ai faim, j'ai goût d'aller vous faire un top 10 des restaurants les plus insolites du monde. Eh bien oui, génial. Donc, ça. On y va comme ça avec le Haita Undersea Restaurant sur l'île de Rangalifolnu. Ce restaurant se trouve dans les Maldives. Donc, je vous propose de dîner sous l'eau. Il y a le dîner de con, il y a dîner sous l'eau, ça pourrait être ça, la nouvelle émission. Est un doux fantasme pour vous? Eh bien, une île des Maldives le réalise. Une étonnante construction vous ouvre les portes du monde marin tel que vous ne l'avez jamais vu. Voici le premier restaurant tout de verre construit sous la mer. On peut y admirer le récif et la vie marine à 180 degrés autour de nous. C'est une atmosphère tout à fait extraordinaire pour prendre un bon repas. Une ambiance confortable et intimiste avec seulement 14 couverts. Donc, ce n'est pas un grand restaurant. Il vous faudra bien sûr réserver. Hein, le menu proposé est un mélange de cuisine traditionnelle maldivienne et occidentale. De quoi nager dans le bonheur. Mais attention à ce que vous mangez. Les poissons vous regardent. Ben, c'est ça. Hein, c'est comme on dit. C'est comme manger un steak ou un hamburger dans une ferme d'abattage de bœuf. Ça fait un peu particulier de regarder ce qu'on mange. Mais bon, il n'y a rien là. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Sinon, autre restaurant extraordinaire, restaurant tout à fait insolite. Si, au contraire, au lieu d'aimer l'eau, vous aimez plutôt les endroits arides et désertiques, je vous propose de vous rendre en Australie au Sound of Silence à Ayers Rock. Ayers Rock, c'est cette célèbre roche rouge dans le désert australien. Donc, un dîner au son du silence, plutôt original comme idée. Le nom du restaurant vous en dit long sur ce qui vous attend dans cette petite partie du désert australien. Voilà un des rares sites qui offre les vues tant de l'Uluru, le Ilsenberg en grec, que le Kata Justa, le massif de dômes Dark Rose en Inzenberg aussi. C'est cette fameuse roche rouge. Hein. Un bus vous prend 2 heures environ avant le coucher du soleil. À votre arrivée, vous êtes salué avec du champagne et du vin. Vous partagez ensuite un buffet sous le jeu des lumières solaires. OK. Et à la fin du repas, un astronome vous mène tour à tour à la découverte des étoiles de l'hémisphère sud. Une expérience qui s'avère être un merveilleux voyage au bout du monde. Moi, c'est vraiment l'endroit que j'aimerais aller manger. Sound of Silence à Ayers Rock en Australie. Sinon, on vous propose de manger dans le noir à Paris. J'ai entendu dire qu'il y avait un endroit comme ça à Montréal désormais, mais en tout cas, je vous parle du concept particulier dans cette ville lumière, hein, du paraître et du luxe. Ce que vous propose le restaurant est simple, c'est bien manger et boire dans l'obscurité la plus complète. C'est une manière de développer votre sens du goût et de l'odorat. Votre vue étant complètement annihilée, plongée dans l'univers des non-voyants, prête à vous accompagner dans cette drôle d'expérience. Une aventure tout aussi appétissante qu'enrichissante et aussi, bien sûr, ludique, où la cuisine proposée se veut saine et savoureuse. Pour le décor, il nous semble difficile d'en dire davantage. Au-delà d'un voyage culinaire, une véritable expérience sensorielle vous attend entre ces murs du restaurant dans le noir. C'est le titre. Sinon, le Modern Toilet à Taipei, bien sûr, à Taïwan. Ben oui, les Asiatiques, hein, faut toujours pousser la connerie plus loin. Ils sont forts là-dedans. Nous avions déjà parlé du Modern Toilet. Le concept est une fois encore bien représenté ici par l'intitulé du restaurant. L'idée est de s'asseoir sur des tabourets en forme de toilette et de pouvoir déguster des mets dans des contenants aussi en forme de toilette. Mis à part les tables et même les verres sont en forme de pissotière, le clou du spectacle, c'est que la cuisine elle-même, sans grande surprise... attends un peu. Et tout, c'est que la cuisine elle-même, sans grande surprise, on peut découvrir d'étranges desserts en forme de grottes multicolores. Bien évidemment, inutile de vous préciser que les serviettes de table ne sont que du papier hygiénique. La cuisine proposée n'est pas gastronomique, mais elle est très appréciée. Voici une aventure que les plus intrépides d'entre vous apprécieront sûrement si vous vous rendez à Taïwan. Ah, ça, c'est bien plus beau, bien plus intéressant, ça donne déjà plus faim. C'est le Yellow Tree House Café à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Qui n'a jamais rêvé un jour d'avoir une cabane dans les arbres? Eh bien, le pays du kiwi a réalisé l'inimaginable, la création d'une petite cabane en forme de cocon douillet afin d'y loger un somptueux restaurant gastronomique. Conçu par des architectes d'environnement du Pacifique et construite autour d'un arbre d'acajou, le Café de la Cabane Jaune accomplira tous vos rêves dans enfants. Le café n'est plus ouvert pour le dîner, mais elle peut être louée désormais pour des fêtes privées à l'occasion. Un voyage culinaire en plein cœur de la nature, voilà ce que propose cette sphère suspendue. Une atmosphère sereine, un décor incroyable avec un repas gastronomique à la clé. Il ne vous reste plus qu'à admirer et à savourer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Yellow Tree House Café. Yellow Tree House Café, c'est le titre. Wow! Le Dinner in the Sky à Bruxelles. Jamais eu l'occasion de pouvoir aller là, mais vraiment particulière. On dirait que c'est un genre de manège, là. Tu sais, les manèges qu'on te monte en haut, puis qu'on t'attache, puis là, poum, d'un coup, on te laisse tomber. Ça ressemble à ça, on va aller voir. Donc, si vous aimez les aventures pimentées et que vous n'avez pas peur des nouvelles expériences, eh bien, ce lieu est fait pour vous. Suspendu à une hauteur d'à peu près 50 mètres, soit la moitié du Big Ben, eh bien, vous pourrez vous délecter d'un bon repas et d'un panorama grandiose sur le tout Bruxelles. Ce restaurant qui propose de dîner dans le ciel tient sa promesse grâce à un petit four au centre de la structure suspendue par une grue. Vous pourrez apprécier un repas fraîchement confectionné, une cuisine simple et raffinée, préparée sous vos yeux et sous les yeux de 21 convives qui peuvent être utilisés sur cette grande table flottante. Salade de jambon et crevettes sautées auront peut-être pour vous une saveur différente à cette altitude. Jugez-en par vous-même. Vous pouvez visiter le site Diner in the Sky. Donc, c'est une genre de nacelle, ou en tout cas, j'ai pas trop compris exactement, parce qu'on voit juste la photo des convives, mais tout le monde est bien attaché. On dirait qu'ils sont dans un manège. Mais bon, j'ai pas plus de détails. On ira sur le site Diner in the Sky, hein? Sinon, vous pouvez aller manger au restaurant Le Duvet à New York, aux États-Unis. De grands lits à la place des chaises, une idée auquel Socrate et ses convives n'auraient rien trouvé d'extraordinaire, mais au 21e siècle, c'est plutôt étonnant. Hein, j'avoue que certains, on voit ça dans les films d'époque, hein, on voit les gens affalés, dormant, couchés, mangeant dans leur lit ou presque. Eh bien, là, c'est un peu le même principe. Ce restaurant new-yorkais anticonformiste vous met donc à la disposition d'un lit dans lequel vous pourrez faire des miettes sans aucun remords. La lumière tamisée rose-orangée, matelas en mousse, oreiller de plume d'oie, rideau flottant Et sur les 30 têtes de lit qu'abordent les lieux, tout est fait pour créer une atmosphère reposante et passer une soirée exceptionnelle. Tous vos besoins vitaux réunis en un seul et même endroit. Boire, manger, dormir, tout est possible. Concernant la cuisine, les allergiques aux fruits de mer devront s'abstenir. En effet, une carte essentiellement composée de produits de la mer vous est proposée. OK. Sinon, le Lumialina Castle dans le golfe Buntia en Finlande. Ah, là, ça, c'est... Moi, je trouve que c'est pas original. Là. Sérieusement, je suis tanné de voir ça. C'est peut-être parce qu'ici, on nous écœure avec ça à chaque hiver. Le fameux restaurant de glace, l'hôtel de glace, c'est pas, je trouve, c'est... Qui veut avoir le cul au fret en mangeant sur une table en glace? En tout cas, voilà, qui nécessite de bien de travail, c'est vraiment... Entièrement en glace, il exige d'être construit toutes les années en décembre. Selon les architectes de glace, la structure doit être maintenue à une température extérieure de moins 8 et intérieure de moins 5 pour ne pas détériorer trop rapidement le beau restaurant. Hein? Moi, je trouve que c'est ridicule. Il est donc recommandé de se vêtir en conséquence lorsque vous venez manger ici. Il est même vivant suggéré d'apporter des gants, voire même un bonnet. Amateurs de repas ensoleillés, voici un beau changement de cap. Pour ceux qui aident la cuisine, on oublie les légumes vapeur et on laisse place aux crèmes de fromage, les saumons, les crustacés ou encore une panna cotta. Ben, moi, ce restaurant-là ne m'intéresse pas du tout, mais pas du tout. Le Ding Pod. Oh, ça, c'est génial. C'est à la résidence privée Sonovakiri à Koh Wood en Thaïlande. C'est une petite salle à manger qui n'a rien à voir avec celle que l'on peut s'imaginer. La salle à manger en question, c'est une sorte de niche suspendue au-dessus d'un paradis avec une vue plus que spectaculaire, depuis laquelle l'humide forêt tropicale et l'océan vous ouvrent les bras. Le soir, vous pouvez même siroter un cocktail local en admirant un coucher de soleil indélébile. Voici un cadre uniquement concurrencé par la cuisine gastronomique et créative qui vous est proposé, où vous dégusterez un mélange des meilleures recettes thaï et méditerranéennes. Enfin, les fins connaisseurs de chocolat seront comblés sur ces lieux fantasmagoriques. Une chambre des chocolats issus des arbres à coco du sud du pays vous attend. Il ne vous reste qu'une seule chose à faire, manger et foncer vers la Thaïlande. C'est juste ça. Le Sbagger à Nuremberg en Allemagne. On est dans le top des restaurants les plus insolites du monde, je vous le dis. Cette fois-ci, je vous parle, c'est le dernier, oui, c'est le dernier, le Sbagger à Nuremberg. Eh bien, c'est un restaurant qui pourrait révolutionner l'industrie du self-service. Toutes les bonnes choses viennent d'en haut. La commande des repas délicieusement fraîchement préparés et des boissons ordonnées se fait par un écran tactile. Cette commande est ensuite transportée sur des sortes de rails métalliques directement jusqu'à votre table. Un service high-tech pour mettre en valeur des ingrédients frais, dont beaucoup sont produits par des producteurs bio de la région. De la technologie de pointe au service des plus gourmands, voilà une des plus grandes idées. Pour plus d'informations, visitez le Sbagger. Et dans le fond, ça nous rappelle un peu, je sais pas, tu sais, ces machines qui servent à rien, ou le jeu Mousetrap, hein? Et il y avait des rails avec des petits montages, et puis là, ça fait tomber telle affaire, puis là, ça se met à rouler, puis ça fait... Tu sais, jeu d'action, réaction et de physique, là, vraiment bien appliqué. C'est comme ça. On pourrait imaginer, je vous explique un peu le décor, finalement, du restaurant à Nuremberg, le Sbagger. Sur ce, c'était le top 10 des restaurants les plus insolites, les plus incroyables de la planète. Et sinon, ben on fait une petite nouvelle ici qui allie le mystère et l'archéologie. Je vous parle de géoglyphes, plus de 50 lignes du style Nazca découvertes au Kazakhstan grâce à Google Earth. Donc, si les archéologues se servent régulièrement de truelles et de brosses, il faut aussi utiliser des outils moins conventionnels. C'est ainsi qu'une cinquantaine de géoglyphes ont été découverts au Kazakhstan grâce à Google Earth. Il s'agit principalement de talus en terre dont la forme et la disposition rappellent les grandes lignes de Nazca au Pérou. La découverte n'a a priori encore fait l'objet d'aucune publication scientifique, mais elle a été présentée lors du meeting annuel de l'Association européenne d'archéologie à Istanbul. L'équipe qui rassemble des chercheurs de l'Université de Kustanaï et celle de Vilnius en Lituanie étudie le site depuis un an à l'aide de fouilles, de mesures, de radars et de photographies aériennes. D'après les chercheurs, ces marques dans le paysage qui sont très difficiles à voir sans le recul de l'altitude malgré leur taille impressionnante, entre 90 et 400 mètres que ces formes ont. Et on y retrouve des motifs géants tels que des carrés, des cercles, des croix et des svastikas. Antarctica, oui. C'est pas ça qui ressemble un peu, ça ressemble un peu à des croix gammées, là, mais ça n'a rien à voir, bien sûr, avec ce régime nazi si sympathique. Si... ridicule. Donc, si une des croix gammées a été construite à l'aide de bois, les autres formes sont dessinées par des talus en terre. Pour l'heure, ils n'ont pas été datés. Ben, j'avais raison, hein, c'était des croix gammées. Pour l'heure, ils n'ont pas été datés. Leur utilisation reste sujette à débat. Même si, si deux possibilités se dégagent, ils pourraient avoir... T'as peu. OK, ces petites lignes pourraient avoir agi dans le cadre de divers rituels ou lors de marqueurs pour signifier à qui appartenaient ces terres. Pour l'instant, nous ne pouvons dire qu'une seule chose, ces géoglyphes ont été bâtis par un peuple ancien. C'est ce qu'avoue à Life Science Irina Cheniva et Andrew Logvin de l'Université du Kustanay. Par qui et pour quelle raison, cela reste toutefois un mystère. Les géoglyphes fascinent par leur taille et leur mystère quant à leur signification. On ne le sait pas encore. Si ceux de Nazca sont les plus connus, les archéologues en ont trouvé un peu partout dans le monde, aussi bien en Russie qu'au Brésil et même au Royaume-Uni. Ces merveilles archéologiques ont également attisé de nombreuses spéculations pseudo-scientifiques, car certains les ont jugées trop complexes pour être réalisées par des peuples peu avancés sur le plan technologique. Mais des archéologues comme Joel Nickel ont prouvé que ces prouesses étaient tout à fait à leur portée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est la chronique éditoriale de Sébastien F. Gartin. Monsieur F. Gartin, hein? Oui. Oui, c'est l'éditorial du Zone Campus, mais qu'on fait à la radio. Oui. En exclusivité avant même la sortie, comme toujours. Eh oui, quelques heures avant. On est vraiment à l'avant-garde, c'est fou. Mais en même temps, j'essaie tout le temps de pas exactement relire mon article non plus. Je vais discuter sur d'autres bouts que je parle un peu moins dans l'article. Parce que c'est un peu un teaser, tu sais. Si je donne tout là, ça donne quoi de lire l'article? Ben, c'est ça, hein? Fait que oui, donc cette semaine, on parle de compression, de financement des universités et du campus de Drummond, bien sûr. Okay. Comme j'ai dit, on parlait de fiscalité un peu, ce qui est un sujet un peu aride, malheureusement, mais on va essayer de rendre ça intéressant. On va tout essayer, en tout cas. La volonté est tout le temps là. C'est ça, c'est ça. Là, dans le fond, faut vivre en dessous d'une roche. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'article, faut vivre en dessous d'une roche pour ne pas savoir que dernièrement, il y a des grosses coupures qui se font un peu partout au Québec. Mm-hmm. C'est ça que ça fait un gouvernement libéral. Ben oui. Le jupon a dépassé. C'est ça, dans le fond, en particulier, les universités mangent la claque aussi à travers de ça, bien sûr, parce qu'on est une belle grosse institution qui coûte cher et que le monde ne comprenne pas tout le temps à quoi ça sert. Mm-hmm. Je pense qu'on sait tout à quoi ça sert quand on y est, mais il y a du monde qui ne comprenne pas c'est quoi encore. Donc, la raison de mon article, en fait, c'est pour vous dire que n'ayez crainte, l'UQTR n'est pas trop dans la merde encore. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est mais ça. N'est pas trop encore. D'ailleurs, mon éditorial est là-dessus, mais Laurent Constantin fait un bon article là-dessus aussi, qui va plus en détail là, dans les faits, plus que moi. Cependant, moi, ce que j'avais l'intention de parler à matin, c'est de parler du mode de financement des universités. Ça, souvent, les gens n'ont pas trop conscience de comment que ça fonctionne. T'sais, c'est comme, ben, on sait que le provincial pitch une grosse enveloppe à l'université, puis arrangez-vous avec. Mm-hmm. Mais comment ils font pour décider combien est-ce qu'on reçoit? Puis ça, c'est intéressant, parce que ça influence un paquet d'autres dossiers, en fait. Parce que c'est pas juste... À l'œil, vous avez à peu près tant de monde, on va vous donner à peu près tant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, à une certaine époque, jusqu'au... je me rappelle plus exactement la date, mais dans les années 90, ça fonctionnait vraiment au bloc. C'était vraiment, vous avez un financement, mettons, de bibliothèque universitaire, ça coûte tant. Fait que vous avez tant pour ça. Vous avez tant pour, mettons, votre département de littérature. Vous avez tant pour votre département de sciences infirmières, ainsi de suite. Puis c'était comme ça. Il y avait... effectivement un peu, c'était probablement ces chiffres-là étaient modifiés par le nombre d'étudiants, bien sûr. Mm-hmm. C'est bien logique, mais c'est ça fonctionnait comme ça. Dans les années 90, il y a eu un certain François Legault qu'on se rappellerait comme étant présentement le leader de la CAQ, qui était à l'époque ministre de l'Éducation pour le PQ, en fait. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un péquiste, c'est un souverainiste avant. C'est ça, il était de l'autre bord avant. Il était de l'autre bord avant. À l'époque, ce que le PQ avait encore peut-être une petite volonté d'essayer d'encore un petit peu passer pour un parti de gauche. Le logo, il a complètement changé ça. Il a sorti un truc qu'on appelle le contrat de performance. Ce qui arrive, c'est que le chèque des universités, le calcul est devenu beaucoup plus complexe en partant. Puis là-dessus, les universités avaient un paquet de restrictions, pas de restrictions, mais de critères à remplir pour avoir leur financement, là, des questions budgétaires et ainsi de suite, que là encore, je n'irai pas dans les détails là-dedans. Mais en gros, le gros du fonctionnement, la façon que ça marche à cette heure, c'est que c'est vraiment au nombre d'EETP qu'on appelle. C'est-à-dire, ça, c'est EETP, c'est le nombre d'étudiants en équivalence temps plein. Ça, c'est un calcul relativement... En fait, c'est qu'ils calculent la moyenne d'étudiants par... ils rapportent le nombre d'étudiants inscrits sur le nombre d'étudiants à temps plein. En gros, c'est que normalement, une session de bac normale, c'est 5 cours, donc 15 crédits. Donc, une année de bac normale, c'est 30 crédits. Mais là, il y a du monde qui en font plus, il y a du monde qui en font moins, et ainsi de suite. Fait qu'ils ramènent tout ça comme si tout le monde était à 30 crédits. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils additionnent tout le nombre de crédits qui ont été inscrits dans toute l'université. Puis ils redivisent ça par 30. OK, oui. Fait que ça donne le nombre d'étudiants temps plein normal que tu as dans l'université. Donc ça, premièrement, le calcul est basé là-dessus. Puis aussi, il y a des critères comme le fait d'avoir un département de médecine, un département d'ingénierie, des trucs qui coûtent cher. Ça te fait monter dans l'échelle aussi, parce qu'il y a une certaine échelle par rapport à ça. Combien est-ce qu'un EETP vaut pour toi? Fait que j'ai comme été mêlé par le retour du riff. Dans la, oui, la ben oui, c'est tellement entraînant. Ah, c'est ton choix. Ouais, c'est ça. Ben, je te blâme. Je suis encore bien... I stand by it. T'as choisi une bonne chanson. Ouais. C'est sûr qu'on se fait aller le genou. Pas mal. Fait que, dans le fond, un résultat de ce que j'expliquais, c'est que on a un programme de médecine à l'UQTR, mais techniquement, c'est pas un programme de médecine de l'UQTR. Okay. C'est-à-dire que l'Université de Montréal, l'UDM, emprunte des locaux à l'UQTR, puis emprunte des infrastructures, dont le portail, ces affaires-là, à l'UQTR pour donner une partie de son programme de médecine à Trois-Rivières. Okay. Dans le fond, quand tu t'inscris en médecine à l'UDM, tu as le choix, tu peux cocher soit campus UDM, campus UQTR. Okay. Fait que là, tu peux enseigner. Fait que techniquement, il y a un programme de médecine à Trois-Rivières. Puis, vu que c'est une genre de zone grise, ben ça compte comme si l'UQTR donnait un programme de médecine. Fait que le monde des rankings de ça. C'est ça, ça compte complètement. C'est pas une fraction, étant donné que c'est un campus de notre université. C'est ça, c'est quand même parce que l'UQTR investit quand même dans des locaux, puis ainsi de suite. Fait que là, ça leur a permis d'aller chercher ça. Puis, pourquoi est-ce que je dis que l'UQTR n'est pas dans la chenoute? C'est qu'il y a plusieurs années, l'UQTR était dans la chenoute. Okay. Et l'UQTR a décidé de redresser leur finances. Pour ce faire, ils sont allés regarder la fameuse grille de financement, puis sont allés se faire des cibles sur qu'est-ce qui est payant là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qui est payant d'aller chercher? Le programme de médecine, c'est pas très vieux, ça date d'après ça, en fait. Mm-hmm. L'école d'ingénierie, ça existait avant, mais l'emphase sur le fait que c'est une école d'ingénierie, ça, je sais pas à quel point ça change de quoi, mais c'était déjà ça. Depuis ce temps-là, l'UQTR a d'ailleurs multiplié les nouveaux programmes, tu sais, podiatrie, chiro, ces affaires-là. Ouais. En plus de ça, l'autre affaire aussi, c'est que ce qui est payant, c'est d'aller chercher des nouveaux étudiants. Parce que dans le fond, le financement, de la façon qu'il rentre, il rentre premièrement aux inscriptions, c'est-à-dire le nombre d'inscriptions rapportées en EETP, bien sûr, comme j'expliquais tantôt. C'est directement ça qui choisit combien l'université reçoit d'argent. Premièrement. Fait que là, c'est payant d'aller chercher plein d'inscriptions. Puis bien sûr, ils reçoivent un autre montant aussi avec le nombre de diplomations. Mmh. Fait que là, premièrement, ce qui est payant, dans le fond, c'est d'avoir le plus d'inscrits possible puis des diplômés au plus sacré. Oui, c'est ça. Puis d'avoir des étudiants étrangers aussi, j'imagine, eux payent plus cher que les autres, n'est-ce pas? C'est bien ça, il me semble que oui. Oui, mais c'est qu'ils ne sont pas financés de la même façon. Ah, okay, là, j'ai pas ouvert ça parce que ça, c'est toute une autre question. Oui, c'est ça. Je pourrais au moins faire deux éditoriaux là-dessus. Okay. C'est beaucoup plus complexe parce que entre autres, on dit les étudiants étrangers. Premièrement, moi, j'aime mieux dire les internationaux, puis je trouve qu'étrangers, ça fait pas très accueillant. Tout à fait. C'est vraiment vrai. Puis c'est de la petite rectitude. Ouais, je t'appuie là-dedans, hein, quand tu veux. Quand j'étais exécutant, leur dire que c'était des étrangers, c'était quand même mes membres. Fait que c'était comme dur de. Ouais. Bref, j'aime mieux utiliser internationaux. Mais c'est ça, c'est qu'eux autres, en partant, c'est qu'il y a des différences. C'est pas un bloc monolithique. Tout dépendant de quel pays ils viennent. Ils ont des accords différents. C'est comme des étudiants français, je pense que pour les deux premières sessions, ils payent exactement la même affaire que les Québécois. Puis il y a moyen, ça, faudrait vérifier. Là, justement, c'est, Ça fait partie de c'est en gestation, ouais. Ça, là. Ouais. Mais effectivement, c'est ça, c'est sûr que c'est un sujet qui va éventuellement être abordé. Parce que c'est très intéressant, c'est très important aussi. Mais bref, c'est ça, je veux pas tant de mots pour dire que j'en parlerai pas. Fait que. C'est ça, là j'ai complètement perdu ce que ça, c'est ma faute, là, je prends le blâme là-dessus. C'est correct, ça m'a permis de parler trop sur le fait que je parlerai pas. On dit qu'on voulait les diplômer au plus sacrant. C'est ça, on les diplôme au plus sacrant. Mais c'est ça, c'est sûr que là, il y a tout un paquet d'incitatifs. C'est entre autres pourquoi est-ce que on en a tous déjà eu des cours qu'on comprend pas pourquoi est-ce qu'on a eu la note qu'on a eue. Tu sais, considérant le travail qu'on a mis dedans. Ceci explique cela. Aussi, puis c'est là le nœud de mon affaire. Le nombre d'inscriptions, c'est ça qui est payant d'aller chercher, en fait. C'est parce que nécessairement, plus que t'inscris de monde, plus que t'as de monde à diplômer après. Mmh. Tu sais, peu importe si tu le pousses dans le dos ou pas. T'sais. Fait que c'est ça qui est payant d'aller chercher. Fait que là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'UQTR a commencé à ouvrir des off-campus un peu partout. Après les off-festivals, les off-campus. Les off-campus, les hors-campus, en fait. Là, on a un campus, l'UQTR a un campus à Longueuil, à Québec, à Victoriaville. Il y avait déjà des cours qui se donnaient à Drummondville, mais là, on a vraiment un vrai campus complet qui ouvre à Drummondville, comme vous êtes au courant. D'ailleurs, là encore, je vais encore plugger un article de... Non, c'est Alice. Là. Alice Baudry. Alice Baudry. Ça, je me rappelais. Je m'excuse. Oui. Je m'excuse, Alice, si tu m'écoutes, je me rappelais plus de ton nom de famille. Mais ouais, c'est ça. Elle a un très bon article aussi là-dessus qui parle un peu de. Spoiler alert, hein. Spoiler, <C'est> ouais. On peut pas mettre ton texte en une parce que t'as pas de photo. Non, c'est ça. On met ta grosse face dessus. C'est ça. J'aimerais ça, moi, ma grosse face en une. Ta face, c'est juste le dimanche approprié en passant. J'aimerais pas ça. C'est pas une insulte. Non, c'est correct. Je le dis des fois, ma grosse face. Ouais, c'est donc, ça. Oui, donc, c'est ça. La raison pour laquelle on met tant de flafla à ouvrir le campus à Drummondville, c'est que l'idée de ça, c'est d'aller grappiller des étudiants aux autres domaines universitaires un peu. Tu sais, la raison pour laquelle on a ouvert un gros campus à Drummond, c'est pas parce qu'à Drummond, il y a moins d'offres pour les gens qui vivent là. Parce que c'est vrai que Drummond est un peu dans un no man's land entre Trois-Rivières et Sherbrooke. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas ouvert à Victo à la place, qui est vraiment loin de tout? Pourquoi est-ce que c'est pas à Victo qu'on a fait un vrai gros campus? Parce qu'à Drummond, on est dans un territoire contesté entre justement l'UQTR et l'Université de Sherbrooke. Les gens qui vivent à Drummond, quand ils veulent aller à l'université la moins loin possible, sont à mi-chemin entre l'UQTR et l'Université de Sherbrooke. Mm-hmm. Laquelle choisiront-ils? Donc l'Université de Sherbrooke a un paquet d'attraits. L'UQTR a d'autres attraits. J'imagine. On a tous ri un peu en le disant. Mais ouais, l'idée de ça, c'est que là, aller leur planter un campus en pleine face, ben là, ils viennent de gagner cette guerre-là. Fait que là, l'idée, le problème avec ça, c'est qu'on se dit là encore, ça fait plus de monde qui vont à l'université, tant mieux, plus de gens éduqués, on aime ça, c'est le fun, c'est le but des universités, c'est le but des UQ en particulier, d'envoyer le plus de monde possible à l'université, parce qu'une population éduquée, ça a plein d'avantages. Ça fait plus de professionnels, c'est connu que plus que t'es... les gens qui ont un degré universitaire ont tendance à être plus en santé, puis ainsi de suite, avoir des meilleurs jobs, payer plus d'impôts, ainsi de suite. Le problème avec ça, c'est que là, on va pas créer j'aime pas ça ce mot-là, mais une nouvelle clientèle étudiante. On va pas prendre des gens qui seraient pas allés à l'université sinon, parce que c'était trop loin. On va prendre des gens qui seraient allés à l'université ou à un autre, mais là, on les force, mais on met des gros incitatifs à aller à notre université plutôt qu'à un autre. Mais il y a pas plus de gens, généralement, au Québec, qui vont aller à l'université à cause de ça, ou si peu, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est un peu problématique, cette mentalité-là. Fait que là, c'est vraiment une mentalité d'aller se chercher beaucoup d'inscriptions, parce que c'est de même que le financement fonctionne, au détriment du fait de la mission de base de l'université, qui est d'amener de l'enseignement, puis d'amener l'enseignement à tous, puis le plus proche des gens. Fait qu'on pourrait se dire que les campus un peu partout au Québec, ça fait partie de leur mission. Oui, campus à Victo, je suis bien d'accord. À Longueuil, c'est-tu vraiment nécessaire? Il y a déjà, justement, là encore, l'Université de Sherbrooke, qui a un très gros campus de construit là. Je sais pas si vous l'avez déjà visité, c'est gigantesque. C'est une grande tour vitrée, ça a l'air d'un... d'un building de centre-ville de Montréal. Ah, ouais. C'est écœurant. Il y a une station de métro dans le sol. Puis, en tout cas, ah ouais. Et ouais. Le campus de l'UQTR là-bas, à Longueuil, est-ce que c'est ben là, minuscule? C'est des locaux de louer. En fait, je me demande même s'ils ne sont pas loués carrément dans le campus de l'Université de Sherbrooke. OK. Mais c'est pas ça. Genre dans un strip mall avec un salon de coiffeur pas dépanneur. C'est ça, tu sais. Même chose à l'université, pas à l'université, mais à Québec, le campus de l'UQTR, c'est genre trois locaux loués à côté du cégep François-Xavier Garneau. T'sais. OK. Tu sais, c'est genre à deux pas de l'Université Laval. Quel est l'intérêt de faire ouais, ça? Ouais. C'est d'aller grappiller des étudiants à l'Université Laval. Un tout petit peu, mais parce que minimum, la mentalité derrière ça, c'est que. Puis c'est, en même temps, c'est pas faux, mais c'est triste un peu. C'est que c'est bien plus facile d'aller donner des incitatifs. De venir chez nous à des gens qui sont déjà convaincus de faire des études, mm-hmm. plutôt que de convaincre des gens qui n'auraient pas fait des études normalement d'en faire, d'en entreprendre. Puis c'est ça qui devrait être c'est ça qui est la mission un peu surtout des universités du Québec, qu'une université comme l'Université Laval, l'Université de Montréal, fasse des moves dans le genre. C'est, il n'existe pas vraiment d'université privée au Québec, ils sont quand même subventionnés, mais ça rentre un peu plus dans leur mission. Il y a un peu plus la mission d'université business, d'aller attirer du monde, d'aller attirer des talents pour faire des brevets puis des affaires comme ça, puis fonctionner avec ça, puis fonctionner avec la philanthropie aussi. L'UQTR, ça a fondamentalement une mission d'éducation, puis une mission de moteur régional. T'sais. On se demande en quoi est-ce que l'UQTR à Québec aide l'économie de la Mauricie. T'sais, ouais, le monde qui étudie à Québec... Mmh. Ça fait des professionnels qui vont rester à Québec. Ben oui. Ça, c'est reconnu. Là. Je j'ai pas pensé d'amener l'étude avec moi, mais j'avais lu ça dernièrement. Les gens sont beaucoup plus portés quand ils étudient dans une ville à rester dans cette ville-là. Même à Trois-Rivières? À s'expatrier. Même à Trois-Rivières. Okay. Trois-Rivières est peut-être un petit peu plus repoussante pour les jeunes, ouais. Mais ça reste que beaucoup de gens vont venir de, mettons, de Joliette ou de n'importe où, puis venir étudier à Trois-Rivières parce que c'est l'université la plus proche. Puis s'établir à Trois-Rivières par la suite. Hmm. Parce que quand tu viens de... Je sais pas, moi, de Saint-Barthélemy ou de... Capcha. Ouais, c'est vrai. Ben, regarde, tu vois, c'est le cas. Je sais pas si tu prévois rester ici encore bien des années, Steph. Mais... Ben, ça fait déjà deux ans et demi que j'ai fini mon bac. Puis... Tu t'offres encore là. Non, plus que ça. 3 ans et demi. Puis j'étais encore ici. Là. Ben, c'est ça, tu sais, tant qu'à être ici. Ben oui. T'sais, c'est pas Montréal, mais t'es pas trop loin de Montréal non plus. Puis ça fait ça à la plupart du monde. T'sais. Une fois que tu as vécu un certain temps dans une ville, maintenant tu prends tes habitudes, puis là c'est plus dur t'en aller. Puis des fois tu vas avoir une job ailleurs, ou des fois tu vas retourner dans ton patelin. Mais t'sais, si tu fais, tu fais un MBA en marketing, là, retourner vivre à Saint-Boniface, là, on s'entend-tu? Il n'y a pas grand job Saint-Boniface, mais ouais. Ben, t'sais, je veux dire, il n'y a pas grand job en marketing à Saint-Boniface, non. Surtout si t'as un MBA, là, on s'entend. Puis on s'entend que c'est une bonne partie des diplômés de l'UQTR, d'ailleurs. Hein? Ouais. Voilà. C'est ouais. Tout, Sébastien Pierre. C'est tout. Merci. Ben, ça fut un plaisir. Merci à vous. L'UQTR, donc, qui est pas à plein? Hein? Qui est pas... Ben, c'est sûr que si... je suis sûr que si on recevait 40 millions de plus par année, je suis sûr qu'on trouverait de quoi à dépenser puis il n'y aurait pas tant de gaspillage que ça. Mm. On n'est pas... Mais c'est juste qu'on n'est pas dans la marde non plus. C'est ça ouais. L'idée. C'est juste que l'UQTR a peut-être une mentalité même un petit peu trop pro-fiscaliste. Ouais. C'est justement un peu ça, mon message, c'est qu'on oublie peut-être un petit peu la mission primordiale. Tu sais, le moyen passe devant les fins. Mm-hmm. C'est ça. C'est pas surprenant. Quand une fois que tu en as du cash, tu finis par changer ta mentalité. C'est ça. Si tu as déjà eu une autre mentalité à la base. Mais bon. Donc, Sébastien Bigartin, on te lit ton éditorial dans Zone Campus qui sort aujourd'hui, oui. Mardi. Il y a aussi d'autres articles de la part d'Alice Baudry et de Laurent Constantin dans cette actualité. En lien avec ça, bien sûr. Toujours en lien avec ça. Donc, sur zonecampus.ca, un petit peu partout sur le campus du QTR. Les racks sont encore disponibles un peu partout. On ne s'est pas encore fait couper ça. Pas de coupe. De toute façon, non, le ça, Zone Campus et le QTR, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. On n'est pas. On est dissocié, on est indépendant. Exactement. Donc, un petit peu partout sur le campus, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. On te retrouve dans 2 semaines. C'est oui. Les mardis à 7h30. Oui, à peu près. Quand ouais, chacun ben, décide d'être c'est là, ça. Là. Mais là, je l'ai. Ta chanson est là, je c'est l'ai. Bon. C'est ça. C'est bon, ta chanson. Bon choix. Merci. Ouais. C'était pas mon premier choix, mais c'est moi qui était déjà pris. Déjà pris. Ben, en fait, il n'est pas pris en ce moment, mais il a été pris par le passé, puis il est comme associé à ça. Bref. On le dit jamais, mais pour ceux qui veulent savoir ton intro, c'est quoi? C'est la chanson s'appelle Grounds for Divorce. Le band s'appelle Elbow. Ils sont connus pour plein d'autres chansons dont les noms ne me reviennent pas tout à fait, mais c'est des belles petites tunes qui pognent dans la tête. C'est bien le fun. Cool. L'album s'appelle, si ma mémoire est bonne, Seldom Seen Kids. T'avais pas mal toutes les informations pour quelqu'un qui savait pas que j'allais poser la question. Ouais, ben c'est quelque chose que j'écoute régulièrement. Merci encore, Sébastien Gert. C'est moi qui vous remercie. Pour l'instant, une chanson de la formation Les Erreurs. Alors, j'ai comme une impression de déjà-vu. Pas en tout. C'est la pièce Bonne Fête. Hey, Bonne Fête, Jérémy. Bonne Fête. Ton cousin, je pense. Moi, c'est que je sais ça déjà. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pièce Bonne Fête. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. Ah, Jeff Veilleux. On laisse-tu aller le petit refrain? Ben oui, ben on va le laisser, on se le garde. Ouais, puis s'il prend les moyens de pas se laisser faire. Jeff, salut, ça va? Salut, oui. Yes, gros week-end? Oui, oui. Ça me semblait bien intéressant, ton week-end. Le MNQ organisait une université d'été avec plusieurs conférenciers, Daniel Turp, Martine Desjardins, Flavie, la petite fille de Lise Payette, qui a fait un documentaire sur elle récemment, et plein d'experts là, qui sont venus nous parler de l'Écosse, de la Catalogne et du combat indépendantiste. Mais malgré la pluie aujourd'hui, il faut être optimiste parce qu'il y a un nouveau sondage là, qui montre l'appui à la souveraineté qui a grimpé de 7 % en un mois, qui est passé de 35 à 42 % et donc même sans chef au PQ, sans en parler, l'appui monte. On voit que c'est peut-être l'effet de l'Écosse qui a eu un incident sur nous. Oui, un sondage à 42 % quand même, c'est bien. Tout le monde dit « Ah, c'est mort, il n'y a plus... » Ouais. Je pense que quand quelque chose est mort, c'est le temps que c'est là que c'est en train de se réveiller. Tu sais. Tu sais, je veux dire, une fleur, avant qu'elle sorte, là, il faut qu'elle soit dans la terre, il faut que ça bourgeonne avant. Tu sais. Oui, il y a des étapes. Il y a des étapes, ça prend du fumier pour que ça pousse, puis ça prend... Tu sais, c'est de même que ça marche. Mm-hmm. Puis sinon, avant d'y aller avec mon sujet du jour, oui. Brève nouvelle internationale, dans le fond, pour revenir sur le cas de l'Écosse. Alex Salmon a malheureusement décidé de démissionner de son poste. Il y a plusieurs analystes québécois qui disent qu'il a fait la même erreur que Jacques Parizeau en 95. Le momentum était là, il aurait pu refaire un référendum d'ici un an ou deux. Et puis là, en quittant le bateau, peut-être que là, on a peur que ça s'essouffle, le mouvement nationaliste. Oui, puis il semble que c'est un homme, moi je le connais pas assez, là, mais c'est un homme extraordinaire là, ouais, pour très, la cause. Très intrigue, très intrigue. Très intrigue, ouais. Sauf petite rectification, M. Salmon disait que c'était la plus grande participation démocratique à un référendum, avec 84%. Mais non, en 95, on avait 94% de participation au Québec. Mm-hmm. Et puis, deux petites blagues qui m'ont fait rire sur l'Écosse. Quelqu'un qui disait « Traditionnellement, les Écossais portent des jupes. Ça doit être pour ça qu'ils n'ont pas mis leurs culottes. » Oh, c'est quand même drôle. Eh ben. Et l'autre, elle vient de François Lapierre, qui est un joueur de tennis, paraît-il, et qui affirme « Le Commonwealth, c'est comme une maladie vénérienne. C'est difficile de s'en débarrasser. » Et sinon, pour terminer là-dessus, le référendum écossais continue d'inspirer les Catalans qui ont officiellement lancé leur campagne référendaire pour l'indépendance qui va avoir lieu dimanche le 9 novembre prochain. Mais qu'est-ce qui est arrivé ça, en fin de semaine? Là? Il y avait un problème avec ça. Là. Oui, en fait, c'est Madrid, là, ouais. Du côté de l'Espagne, qui a refusé de reconnaître cette démarche démocratique. Ouais, c'est ça. Et connaissant l'appétit impérialiste de l'Espagne, il y a plusieurs analystes québécois qui pensent que l'armée pourrait être envoyée par Madrid pour contrer la tenue de ce référendum. Pour faire rentrer le monde dans le rang. Ouais, donc à suivre. Mais malgré tout, ils vont de l'avant, ouais, exact, et c'est tant mieux. On va regarder le côté positif. Oui. Aujourd'hui, je viens vous parler de Pierre Falardeau. Oh, grand monsieur. Parce que jeudi dernier, le 25 septembre, ça faisait déjà 5 ans qu'il était disparu. Il est décédé d'un cancer, donc en 2009, à l'âge de 62 ans. Et Pierre Falardeau, on sait, se servait de sa plume et de sa caméra pour réveiller les Québécois. Donc, à l'anniversaire de sa mort, bref retour sur la vie d'un sympathique militant qui n'avait pas la langue dans sa poche. Non. Pierre-Guillaume Falardeau, fils d'Alphonse Falardeau et de Jeannine Ouimet, est né le 28 décembre 1946 dans l'est de Montréal et il va grandir à Châteauguay. Dès 1962, il est membre du RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, et puis va devenir par la suite auteur de chroniques dans plusieurs journaux et revues dans lesquelles il tend à illustrer sa conviction inébranlable de la nécessité, voire l'urgence, de faire l'indépendance du Québec. À mon avis, il est l'incarnation même de la liberté d'expression. Son style d'écriture mêlant à la fois la réflexion intellectuelle, le joual et parfois même la vulgarité est unique. Cependant, son talent de cinéaste va primer sur celui d'écrivain, la caméra n'ayant pas besoin de mots pour faire parler la vérité. Après des études d'ethnologie, c'est par le documentaire qu'il en vient au cinéma, puis ensuite il va s'intéresser à la fiction. Tu dois connaître plusieurs de ses films. Quand même, oui. Ouais. Il y a d'abord la trilogie culte des Elvis Gratton. Eh oui. Parce qu'il y a une exceptionnelle filmographie politique. Puis il y a aussi son film Sur Octobre qui a eu de la misère à se faire financer. J'avais bien le temps des bouffons. Oui, tout à fait. Un petit film de 15 minutes sorti en 93 ouais, sur le Beaver Club et tous ces Québécois à l'esprit colonialiste qui colonisés. Oui, toujours encore, qui veulent faire finalement du Québec une société d'esclaves comme le proclamait le FLQ. Ça, on le sait moins, mais en 2004, il a fait paraître l'anthologie de ses premiers films entre 1971 et 1995. C'est une dizaine de films réalisés en noir et blanc avec son ami Julien Poulain, qu'il avait connu. Et dans ces films-là, il y a notamment « Continuons le combat »,« À mort »,« Les Canadiens sont là »,« Le Magra »,« À force de courage », qui est un film sur l'Algérie, « Speak White », d'après le poème de Michel Lalonde, « Le temps des bouffons est là-dedans ». Et puis, il a aussi fait « Une minute pour l'indépendance », et une conférence d'Elvis Gratton, président du comité des intellectuels pour le nom. C'est disponible sur YouTube ou dans un coffret DVD que je vous conseille fortement. C'était dans quel de ces films en noir et blanc où il y a le PFK Kid? Là? Ouais, ouais. C'était pas dans Speakwise, ça? C'est Pea Soup. Ah, Pea Soup, c'est ça. Ouais. Qui était assez. C'était très drôle de l'entendre. Puis d'entendre Julien Poulin puis Falardeau comme commenter ce que le ouais, kid aussi. Dit. Ça, c'est ouais. génial aussi. Ouais, en ouais. tout cas. Donc, à vous procurer ou même le louer ouais. dans les institutions près de chez vous, c'est toujours possible. Le coffret, on trouverait ça où, mettons? Chez Archambault. OK, chez Archambault, okay, c'est disponible. Ouais, c'est bon. Ouais. Génial, Archambault. C'est rare qu'ils font des bons coups. Oui. Non, quand même, c'est très québécois, là, on peut rien dire. C'est l'Empire Pelado. Fait pour mm-hmm. ça, ouais. on va lui donner ce qu'ils ont. Là. Pas obligé d'être d'accord avec eux, mais quand même, on peut être d'accord sur certains trucs. De toute façon, l'important, c'est la promotion de nos artistes. Exactement, d'ici. Exactement. Et un autre film politique que Falardeau a fait, c'est 15 février 1839, oui. qui raconte la mort des 5 derniers patriotes pendus après la rébellion. C'est Luc Picard qui interprète Thomas Chevalier de Lorimier. Un film très, très touchant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, c'est... c'est le film préféré pleurer. À ma blonde. Ah ouais? Ouais, okay. C'est un des films préférés à ma copine. Moi, je trouve ça trop déprimant. Ouais, ouais. Moi, personnellement, je trouve que la vie est tellement difficile que mm-hmm. j'ai de la misère à regarder de la fiction. Ben, c'est pas de la fiction, c'est un film ouais. historique, mais ouais. je veux dire, une histoire comme ça qui me décourage puis que t'as pas aucun pouvoir de la changer. Mm-hmm. Ben, oui, on a toujours le pouvoir de changer l'histoire, là, mais... Oui, oui. Mais tu sais, l'histoire que tu regardes en ce moment, non, tu peux pas la changer. Ouais, je trouve ouais. c'est tellement injuste ce film-là que ben, c'était la réalité. Finalement. Tout à fait. Des fois, c'est important de se replonger dans oui. le passé pour mieux savoir actualiser nos débats présents. Oui, savoir d'où on vient pour savoir ouais. où l'on va. Exactement. Mm-hmm. On rappellera aussi que Pierre Falardeau il a goûté plusieurs fois à la censure. Puis au refus de Téléfilm Canada. Donc, Falardeau savait vraiment de quoi il parlait, là, quand il disait « On va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part. » Ça, c'est clairement lui et c'est clairement bien dit. Mais il n'était pas si évident, Pierre Falardeau, par exemple. Non. Parce que moi, du jour, je me rappelle avec un de mes chums des années 90, de s'être obstiné avec, là, mais tellement. Mm-hmm. Puis c'était comme... Il avait ses idées arrêtées vraiment là, sur mm-hmm. certains trucs. Puis c'est correct. De toute façon, c'est ce qui fait souvent la force d'une personne qui tient à ses idées. Ouais. Mais c'était pas évident. On avait eu... je pense qu'il était venu dans l'occasion du Festival de la poésie. Et puis, ça s'était mis à parler. Il parlait. C'était une discussion. Puis tout le monde s'échangeait. Puis c'était pas évident de jaser avec. T'sais, c'était lui qui avait raison. Ça, c'est sûr. Okay. Tu peux pas avoir ton mot avec. C'était impossible. Il était vraiment pas d'accord. Peut-être qu'il était trop convaincu. Ouais, il était tellement... Oui, ouais, non, mais c'est ça. Ses convictions, c'était ouais. comme... Il n'y avait pas une grande ouverture d'esprit sur certains sujets, mettons. Mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, c'est ce qui fait une personne qui est capable, des fois, de porter ses idées plus loin. Puis partout sur les tribunes, ben, dans le fond, il dénonçait les partisans de la soumission, de l'appleuventrisme, de l'opportunisme et du carriérisme. Mais quand même, au-delà de la caricature, Falardeau refusait l'étiquette d'auteur ou d'artiste engagé. Car ah oui? il disait n'avoir été engagé par personne pour dire ce qui lui tenait à cœur. C'est du Pierre Falardeau, ouais. c'est génial. Et il a reçu plusieurs prix, plusieurs honneurs, notamment le prix Ouimet Molson en 94 pour Octobre. Il a reçu le prix littéraire Desjardins en 96 pour son livre La liberté n'est pas une marque de yogourt, ainsi que le prix Pierre Bourgault en 2009 qui a été offert par le Mouvement souverainiste du Québec pour la défense du peuple québécois. Polémiste, pamphlétaire, homme de parole, homme de cœur, Falardeau était déterminé, assoiffé de liberté autant pour son peuple que tous les autres à travers le monde qui luttaient mm-hmm. contre l'oppression. Et il y a un documentaire qui est sorti après sa mort en 2011, intitulé Pierre Falardeau, tout simplement. Un film de Carmen Garcia au film Amérique. Et qui fut nominé au Jutra dans la catégorie meilleur documentaire et qui a gagné okay. le prix du en meilleur plus. Documentaire. Donc, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus aussi, Pierre Falardeau, le film. Et Falardeau a été une grande inspiration pour moi. Depuis mon jeune âge, là, j'ai pas connu de grands patriotes comme Pierre Bourgault ou Michel Chartrand ou Pierre Vadeboncœur. J'ai pas eu la chance de les connaître. Mais lui... ça m'a marqué, la façon qu'il parlait, la façon de dire ce qu'il pensait. Ça, c'est super important. Je trouve qu'il en manque des Pierre Falardeau dans, mm-hmm. dans le Québec actuel. du monde qui dit ce qu'ils pensent. C'est rare, ça, à trouver, pour vrai. Ouais, ouais. De nos jours, les gens ont la langue de bois, puis ont toujours peur de se peinturer dans le coin. Sur Facebook, il y a des gens, ils parlent, puis après, ils effacent leurs commentaires. Puis c'est comme, yes, tu l'as écrit, assume-le, puis mm-hmm. C'est comme ça. Et pour souligner sa parole, oui. J'ai amené quelques extraits là, pour vous faire entendre. Le premier, c'est sur le référendum de 95. Il faut analyser les résultats avec ce qu'on... autrement que ce que les médias nous font. Tu vois, comme par exemple, moi, le dernier référendum, même si on a supposément perdu, on s'est supposément... on se l'est fait voler, au-delà de ça... quelqu'un, n'importe où sur la Terre, n'importe quel politicien sur la Terre ou analyste politique, il regarde les résultats du dernier référendum, il s'aperçoit que 60% des Québécois ont voté oui. Alors, mais quelqu'un qui est capable de lire les chiffres s'aperçoit que déjà dans le dernier référendum, si on n'a pas l'espèce de légalité internationale, il y a déjà une certaine légitimité. Mais la prochaine fois, il va juste falloir qu'on travaille plus fort puis qu'on s'arrange pour pas se faire voler comme la dernière fois puis qu'on brasse le cul à du monde. Génial. C'est clair et efficace. Hein? Mm-hmm. Ben, ça dit ce que ça a à dire, c'est ça. Puis il a donné toute sa vie en plus pour cette cause-là, celle de notre libération. D'autres l'ont fait avant lui, mais il a vraiment milité ardemment pour que le Québec atteigne enfin sa maturité, comme on disait la semaine dernière, sa liberté politique absolue, bref, son indépendance. Le comédien Yves Trudel, qui est un de ses bons amis, disait « Pierre mérite plus qu'un hommage, il mérite un pays. » C'est pas lui qui fait Méo? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Exact, c'est génial. grand orateur... clair, limpide, capable de capter, de convaincre une foule. Il y a l'historien Gilles Laporte qui disait de lui, c'est un tribun exceptionnel qui a amené plus de jeunes à la cause de la souveraineté depuis 10 ans que tout autre. Effectivement. Et toi, je te pose une question comme ça, ouais. Mettons justement, qui peut... qui pourrait prendre la place d'un Pierre Falardeau en ce moment, dans les personnalités qu'on connaît, là. Il n'y a personne. J'ai tendance à dire les membres de l'Ocolocas, okay. Qui des fois savent élever le ton un petit peu plus. Et, puis aller chercher des plus jeunes, ouais, peut-être. Ouais, ouais. Ouais, j'avoue, c'est, ouais. ils ont la verve pour le faire. Savoir s'imposer dans le débat public, toujours revaloriser nos héros nationaux, mm-hmm. L'importance de l'enseignement de l'histoire aussi. Non, c'est vrai, c'est bon. Mais ils sont rares. Ils sont très rares. Sinon, tu as quelques comédiens qui prennent un peu la parole de temps en temps, mais ça reste tout le temps très, très soft. Mm-hmm. Mais tu as raison, des fois, l'Ocolocas, ils ont, sans être vulgaire, parce que l'Ocolocas n'est pas nécessairement vulgaire, non. Mais très québécois, très joual quand même, ils réussissent à faire des tournures de phrases qui frappent mm-hmm. assez fortes. Mais bon, c'est quand même pas Falardeau, mais c'est ça, c'était son style à lui. Là. Puis sinon, il y aurait peut-être les apartistes qui m'allument aussi là, dans le sens de l'humour politique et engagé. Ça aussi, ça devrait être sur toutes les tribunes. Puis des personnages comme Mathieu Bock-Côté, ces affaires-là, t'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? C'est ceux qui ont leur... un côté intellectuel qui dégoûte peut-être certains lecteurs ou auditeurs. Moi, je suis quand même de son avis par rapport à libérer la parole et à l'importance d'en parler du débat nationaliste. Qu'on soit pour ou contre, mais ouais, c'est ça, de l'important, le mettre... c'est d'en le préciser, d'en parler, de faire avancer la cause. Peut-être plus que Mathieu Bock-Côté, il y a du monde qui savent pas défier la censure, mais comme Guy Nantel, je pense qu'il y a encore plus de liberté de parole que Mathieu Bock. Oh, oui, non, moi, c'est juste un personnage comme ça qui me sortait, mais oui, Guy Nantel, il est très, très bon aussi. Puis encore là, c'est de l'humour politique. Fait que des fois, par l'humour, nos artistes peuvent faire passer des messages plus politiques qui ne passeraient pas autrement dans d'autres... Emmanuel Bilodeau aussi, tout à fait, ouais. Un bon personnage, ça, pour qui a déjà incarné René Lévesque en dans plus, une série télévisée aussi... assez intéressante. Et lui aussi a le fleur de l'Isée sur le cœur, disons, ouais, là, ouais. Emmanuel Bilodeau. Et puis lui, il touche justement avec l'humour à cette heure, il touche. Et puis son discours est souvent souverainiste. Mm-hmm. Tu sais, même dans son art, là, justement. Ouais. J'écoutais un truc sur lui en fin de semaine, puisqu'il a sorti son One Manu Show. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, c'est ça, semble-t-il, qu'il y avait quand même pas mal de trucs assez politiques. Là, d'ailleurs, il va de passage à Trois-Rivières le 6 décembre. Ah, OK. Pour cette tournée-là, ouais. OK, pour un spectacle. Ouais, ouais. Merci. quelques autres paroles de Falardeau. La prochaine track, ça va être la 25. Excellent. En attendant, je vais vous lire un petit extrait. La lutte pour l'indépendance est une lutte quotidienne faite de petits gestes quotidiens. C'est une lutte à tous les niveaux, dans tous les secteurs de l'activité humaine. Pas seulement une lutte parlementaire. Il s'agit d'être, de vivre. Notre lutte est une lutte pour la culture, dans le sens anthropologique du terme, pas dans son sens réducteur des arts artistiques. Chaque geste, chaque mot, chaque action, aussi minime soit-elle, qui fait exister la culture québécoise un peu plus chaque jour, est un fait de résistance, un pas vers la libération, quel que soit le secteur d'activité, sport, mécanique, agriculture, vêtements ou poésie. Il s'agit d'être le grain de sable dans la machine bien huilée du néo-colonialisme canadien, de l'impérialisme américain, de l'esclavagisme climatisé des multinationales. Courage! Wow! C'est de toi, ça, ou c'est de Pierre Falardeau? OK, j'étais là, si c'est de toi, c'est toi le prochain. Est-ce qu'on s'en va écouter l'extrait? Oui. Parfait, on y va. C'est sur l'espoir. On y va, mais on a besoin. C'est long, t'sais, on n'en sort pas, puis ça piétine, puis... Puis souvent, quand les idées piétinent, quand les idées avancent pas, ça se met à se débander, puis c'est tout croche. Puis là, le monde essaye n'importe quoi. Mais depuis 1995, il y a une espèce de blocage dans la société québécoise. Ce qui est, quand tu regardes le taux de vote, les sondages sur le vote à la prochaine élection québécoise, c'est un peu désespérant. Ce qui empêche, moi, ce qui m'empêche de m'ouvrir les veines avec ma pelle à neige en plastique, c'est que, malgré tout, dans les sondages, c'est encore... Dans les sondages, les Québécois majoritairement, les Québécois, je dis pas les autres, les Québécois, votent, sont prêts pour la souveraineté association majoritairement. T'sais. Bon, c'est ça, c'est encourageant quand tu vois la désespérance des chefs des mouvements nationalistes québécois. Chris, le monde sont un peu moins niaiseux que leurs chefs. C'était une bonne cote, ça. Hein? Ouais, ouais. Vraiment, bon petit discours. Un peu d'humour à sa façon, mm-hmm. mais c'est un sarcasme en même temps total. Là. C'est magnifique. Il souligne un fait important, c'est que la majorité des Québécois de langue francophone, parce que normalement, en tout cas, moi, je considère comme lui qu'un Québécois devrait parler français. Ben oui. Ben, c'est correct qu'il parle toutes les autres langues du monde, mais à la base, il faut qu'il parle français. Mais une bonne majorité sont favorables à l'indépendance du Québec. Autant qu'en 1995, il y a quoi? 63% des francophones qui ont voté oui. Mm-hmm. C'est ce qui lui fait dire qu'on s'est fait voler, dans un sens. Et puis, si on fait l'analyse des résultats de sondage, si on additionne les souverainistes et les nationalistes, ça fait quand même au moins 70% qui font du Québec leur priorité. Là. T'sais, s'il y aurait une alliance entre les nationalistes et les souverainistes, peut-être qu'on arriverait à exclure pour toujours, le Parti libéral de l'austérité de M. Couillard. C'est hallucinant. Ouais. À chaque jour, t'écoutes les nouvelles en ce moment, puis c'est comme, non, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui les ai mis là. qui a voté pour eux autres? Qui a voté pour eux autres? Puis tout le monde, il n'y a jamais personne qui a voté pour eux autres. Moi, il n'y a personne avec qui que je jase qui m'a dit qu'il a voté pour eux autres. Jamais. Il doit avoir une fraude quelque part. Il doit avoir une fraude quelque part, parce que personne n'a voté pour eux autres. Ouais. Je ne sais pas qui a voté pour eux autres. En tout cas, les gens qui ont voté pour les libéraux, ils n'en vantent pas, disons. C'est pas une fierté. Ouais, ouais. Mais ça, c'est triste un peu. Je veux dire, c'est le fun d'être fier de quelque chose. Ouais. T'es même pas fier de tes convictions et de ce que tu penses. Fait que... Ouais. Très triste. Ben, les Québécois ont toujours été rabroués aussi par le gouvernement fédéral, notamment par Trudeau, qui a été au pouvoir pendant quasiment 30 ans. Ça a été le premier à nous dire qu'on n'avait pas le droit de s'autodéterminer, qu'on n'avait pas le droit de prendre notre destin en main, qu'on en faisait trop, que... Mm-hmm. Il fallait prendre les miettes en dessous de la table. Faut prendre notre trou. Ouais. Ouais. C'est le thème des porteurs d'eau là, qui a souvent, souvent été des comparaisons. On le sait, Falardeau, il a fait des controverses aussi. Je vais vous en nommer 3-4 rapidement. On l'a accusé en fait d'être un sympathisant du mouvement de libération nationale du Québec. OK. Bon, en quoi? C'est pas une honte. Ouais, c'est ça que c'est qu'il y a. Ça pourrait être une fierté. C'est même, ce que je me disais. On l'a accusé d'avoir écrit dans un texte commentant la mort de Claude Ryan en 2004. Tu t'en souviendras peut-être que son décès était une bonne chose de fait et en concluant le texte avec l'adresse « Salut, pourriture ». La troisième controverse, c'est d'avoir été vu avec son ami Julien Poulin. Ce dernier brandissant le drapeau du Hezbollah pendant une manifestation de soutien au Liban, tenue à Montréal le 6 août 2006. Et puis, Julien Poulin s'est défendu par la suite en disant que, en fait, il venait juste d'échanger son drapeau québécois avec un ami palestinien. Puis c'est pour ça, c'était pas une sympathie pantoute au terrorisme. Là. C'était juste l'appui aux Palestiniens qui ont, eux aussi, le droit d'avoir leur État indépendant. Mm-hmm, tout à fait. Mais tu sais, une photo, une photo prise au bon moment, peu importe dans quel camp, tu peux faire parler ce que tu veux d'une photo. C'est dangereux, les photos. Ouais. Et la dernière controverse, en octobre 2008, c'est quand il a traité le biologiste et environnementaliste David Suzuki de « petit japanouille à barbiche » dans les pages de l'hebdomadaire ici. Après que ce dernier se fût dit déçu des Québécois ayant appuyé le Parti conservateur. Ouais. C'était une réponse. Dans le fond, il disait à David Suzuki, mais là, pourquoi lui vient se mêler de nos affaires? Là? Puis de toute façon, le Parti conservateur est loin d'avoir une cote de popularité c'est au ça, Québec. C'est ça, c'est pas nous qui les a élus. Là. Avec 5 députés sur 75, là, c'est ça, là. Ils prennent même plus leur majorité grâce à nous autres. Fait que... Mais on s'ennuie de lui. Ben Moi, l'autre fois, c'est je pense qu'en voyant ta photo... Puis je me suis comme. C'était comme. C'était impossible. Il est pas mort. Tu sais, c'est comme. Mm-hmm. Puis il est pas mort vieux, là. 62 ans, c'est très jeune. Ouais. C'est comme un peu. C'est comme si moi, je le réalise pas qu'il est mort, sérieusement. Tu sais, oui, de plus en plus, mais c'est comme. Comme je t'ai dit, quand j'ai vu ta photo de profil ou t'es photographié avec, c'est comme ça m'a refait un. Ah, c'est vrai, il est mort, Pierre Falardeau. Et puis ça fait déjà 5 ans. Ça va tellement vite. Ouais, ouais. C'est pour ça que je tenais à faire un petit hommage à lui. C'est une bonne idée. Malgré tout. Sa femme Manon Le Riche continue de faire vivre son œuvre. Puis il y a aussi deux fils, Jules et trois enfants, Jules, Hélène et Jérémy. Et Jules Falardeau est déjà connu pour avoir fait un documentaire sur Reggie Chartrand, patriote indépendantiste. Et il fait beaucoup de rap indépendantiste aussi. OK, c'est ça, je m'en ai dit. Est-ce que ses enfants font quelque chose? Oui, c'est ça. Le plus vieux, il fait des films indépendantistes et surtout de la musique rap nationaliste. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller écouter ça. Philippe Falardeau? Jules. Jules, OK, excusez. Jules Falardeau. Excusez. Et peut-être une citation pour finir. Oui. En même deux. J'écris pour ne pas me laisser abattre, pour ne pas déprimer. Pour me sentir moins puissant, moins seul, au cas où nous serions quelques autres, parce qu'il y a les gros et les petits, et que ramper n'est pas le lot des petits. Et j'écris parfois par plaisir, heureusement. Et on se souviendra de Pierre Falardeau qui disait « Celui qui gagne, c'est celui qui stand en dernier, celui qui reste debout. Mm-hmm. » Alors pour toi, Falardeau, merci, on va continuer, on va gagner le combat. Repose en paix et continue de nous inspirer. Et je vous invite à écouter une chanson de Loco Locas, la pièce Résistance, qui ouvre l'album Amour Oral, sorti en 2004, et qui fait une grande place à ce cher Pierre Falardeau. Oui, puis c'est un grand album, sérieusement. Aussi, cet album-là, aussi, vraiment. Donc, on y va avec Loco Locas. Moi, le monde, je veux pas savoir d'où ils viennent. Je veux savoir où ils vont. Le monde, ils peuvent être blanc, jaune, noir, mauve, bleu, avec des pitons en orange. M'en calisse. M'en calisse. S'ils veulent se battre avec moi, c'est mes frères. Alors, on n'est pas des racistes. Il faut arrêter de toujours s'excuser. Le problème est bien simple. Le Québec, c'est un pays conquis et annexé par la force. T'es conquis par la force des armes en 1760, puis annexé par la force avec l'acte d'union. En 1840. La Confédération, c'est juste la suite de l'acte d'union. Donc, le peuple québécois est un peuple soumis, un peuple vassalisé, un peuple inféodé à un autre. C'est le Divana, la Faconde qui prend face au Canada. Regarde, c'est Giron dans nos affaires. Vaguement totalitaire. Local, le casque est au nom de la nation. Son intention, garder une attention constante sur les tensions. Attention, on va maintenir la pression. C'est presque une impression. Mettre en question, sinon y'a régression. Vital est la pression. Même si on se fait chier, j'suis calme de constise l'action. De tous les 365 jours, 24 sur 24, à chaque tic-tac. Paranoïaque, ex-croissance de mon angoisse. Pour tous ceux qui s'en sacquent, qui vont, qui vaquent entre les reins de la vacuité. Les visés en sécurité, vaincus au spectacle de l'actualité. Comment faire l'épreuve de la réalité? Au royaume des aveugles, les rois sont des Kodak. Avoir la vie en vrac, de vivre on a le trac. Puis pour oublier qu'on s'oublie, on court marcher pour l'Irak. Envergure qu'on enrobe, fierté qui se dérobe. Un peu qui vit dans le garde-robe quand la moitié est claustrophobe. Au fond, y'a juste pour compte de propino, pis nous pour nommer cet improbe. Attention, on va mettre la pression. C'est plus que de pression. On met la question, sinon la régression. Pour caler l'agression, l'état de la pression. Même si on se fait chier, chicane de con. On tu l'action. Pas de chicane dans ma cabane au Canada, c'est comme ça. Ni oui, ni non, mais ni de nous. Mon boumoun est minable, incapable de choisir entre le lisse et le rap. T'es pas parti, pis tu joues pas la partie. Mais faut que tu rentres, faut que tu sors. Un pied chaque bord d'apport. C'est le propre d'un Chris de clopard. Quand je vois les stats, je constate qu'on est Québec et mat. On joue pour le bat en traînant de la balle. La larme coule sur ma joue et saute sur mon tympan. Un pays sans enfants, sans nouveau sens, c'est sans bon sens. On fait plus de flow, mais nous en font pour tenir le ration à flot. D'autant que les petits gars qu'on a trippent sur le trépas à ce point-là. Qui sonne même le globe au long de la vie. C'est pas qu'elle décide ou décède. Chaque bout d'identité que tu sèles. Nous-mêmes humiliés, poignés, pliés, liés à la fatale, fat assimilation. Attention, on va mettre la pression. C'est plus que de pression. On met la question, sinon la régression. Pour caler l'agression, réparer la pression. Même si on se fait chier, chicane de con. Tu l'action. Tic pas sur la tuque, le nuque, syllable mégatique. Dans ta tête, t'es tuque, t'es dingue, nuque, yo. Moi j'étais toujours ma tête à Babino. Bit qui est pas con, me coiffe de mes idéaux. Vive d'un trait blanc, bleu, l'horreur d'un siècle sans que ni quête ou l'erreur fut inhumaine. Nous mène en deçà d'un humanisme à redire. C'est pour métier grand Dieu. Mon mec penche mon sable, manque dans ce temps. Ce qui est c'est sans appartenance. Dieu, yo, pas de transcendance. Ceux et celles, tous ces gens qui s'allègent de leurs allégeances. Allégant l'urgence d'un amour immense, l'imminence des grands ensembles et sans racines dans les rances. Pour vivre la totale appartenance qui a toutes les apparences. Totalitarisme en essence qui fait des particularismes nuisants. De moi un terroriste en puissance. Quand je prends le cas de la résistance. Attention, on va mettre la pression. C'est plus que de pression. On met la question, sinon la régression. Pour caler l'agression, réparer la pression. Même si on se fait chier, chicane de con. Constise, tu l'action. Attention, on va mettre la pression. C'est plus que de pression. On met la question, sinon la régression. Pour caler l'agression, réparer la pression. Même si on se fait chier, chicane de con. Constise, tu l'action. Même si on se fait chier en chicane de c'est fou, 89.1. On sent dans un monde étrange. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Et c'est ce qui va nous amener à manger ou boire quelque chose, comme on le fait depuis longtemps avec notre chronique Malbouffe. Et voici son nouveau concept, une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. boy. Il l'a-tu dit souvent, son une grosse pointe d'adresse? Je pense que oui. J'espère qu'on mange la pizza, ça m'a donné le goût. Non, mais justement, l'idée derrière ça, c'est qu'on va tout le temps se manger une grosse pointe d'adresse de quelque chose, mais qui n'a jamais vraiment rapport avec la pizza. Ah, d'accord. Et c'est comme toujours, en fait, je dis toujours, mais on faisait la malbouffe de la semaine, c'est le même concept, juste apporté de façon différente un petit peu. Mais ce qu'on va faire, c'est goûter quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau. Je trouvais que j'avais mis trop l'accent sur les produits nouveaux. C'est pas nécessairement ça. On va faire des produits que j'ai jamais goûtés en général et que je te fais goûter à toi. Et je me fous si tu as déjà goûté. Donc, tu me dis quand même ce que tu en penses. Ben oui, je vais faire comme si de rien n'était. C'est ça. Et pendant qu'on va goûter tout à l'heure, on va pouvoir aussi parler de différents sujets de fast-food à travers le monde. Donc, un petit, on va se prendre un petit genre de 10 minutes à peu près là-dedans. On va dépasser un petit peu l'émission. Ben oui. Donc, aujourd'hui, ce que je vous présente, moi, j'ai jamais goûté à ça, c'est les Nescafé Cappuccino, mais maintenant extra crémeux. OK. Ça a l'air bon. J'ai pris goût à prendre des cappuccinos à la chasse-galerie. Excellent cappuccino, bien sûr. Mm-hmm. Avec chacune des serveuses qui sait faire son cappuccino différemment. Ça donne des formules différentes. On a chacun ses préférés. Ici, Nescafé n'est pas habituellement une marque de café que je trouverais bonne. On va se le dire. Leur café instantané, pas nécessairement mon genre. Donc ça, c'est du café instantané? C'est du café qu'on va verser dans de l'eau chaude que je me suis fait livrer par Mme Myriam Lortie tantôt, qu'on salue. Donc, on a de l'eau chaude. Allô? Hein? Allô? Salut. Eau chaude que j'ai cachée en dessous d'une pile de papier pour essayer de garder la chaleur à l'intérieur. Oui, ça va aller chercher l'encre dans le papier. Et non, non, non. J'ai mis le côté qui n'avait pas d'encre quand même vers le. J'avoue que. Ouais, peut-être un peu, mais au moins il va être au chaud parce qu'on ne disait pas pour boire du café froid à première chronique. Ben non. C'est ça l'affaire. Bref, donc Nescafé Cappuccino, contrairement à la bouffe et la même bouffe de la semaine qu'on faisait l'été passé, on va arrêter de le rappeler éventuellement. On parle pas du tout des détails nutritifs parce que sinon on ferait pas cette chronique-là. Hein? Non, on s'en fout. On s'en fout complètement. Mais c'est un cappuccino authentique. Maintenant, avec une mousse encore plus crémeuse, nous disent-ils, avec 50 calories par portion de 14 grammes. Tu vois, là, je l'ai lu parce que c'était écrit là et c'est pas dans les nutritions, mais j'aurais dû arrêter de lire avant. Donc, le mode d'emploi, c'est super simple. On va déjà enlever les feuilles pour vraiment complètement... Révéler le tout. J'ai pas vu d'encre passer au travers de la feuille, donc je te rassure. Non, mais il y a comme deux gros spots. Ben, deux gros spots, c'est de l'eau chaude. J'espère bien qu'il y a deux gros spots, voyons, non? C'est chaud. Quand c'est chaud, t'as deux gros spots chauds. Eh oui. Ça fait des ronds. Eh oui, on dirait que ta maquette zone campus est une montée de lait. Genre. Donc, le mode d'emploi, c'est super simple. Steph, si tu veux, tu vas pouvoir t'approcher, prendre les verres. Je vais pas te les envoyer. Je vais que tu te lèves pendant que je parle aux gentils gens du mode d'emploi. On va demander donc de vider le contenu du sèche dans une grande tasse. C'est pour ça que j'ai demandé des verres moyens. Donc, je pense que, je pense que ça va être pas pire comme grandeur de verre, d'après moi. C'est sûr qu'on n'a pas les millilitres exacts, mais là, on va pas s'en faire jouer les fleurs du tapis. Hein. Eh non. On rajoutera un autre sachet. Ben, c'est ça, ben exactement. Donc, on vide le contenu du sachet dans une grande tasse. Après ça, on ajoute l'eau chaude. On est supposé ajouter l'eau chaude après, mais on n'a pas la technologie pour le faire, donc on va faire le contraire. Okay? Et ensuite, on s'est dit, savourez votre délicieux café. Est-ce que tu as quelque chose pour mélanger? Est-ce que j'ai quelque chose pour mélanger? C'est une très bonne question. J'ai rien pour mélanger. Lis l'emballage. Oui, je vais lire l'emballage pendant ce temps-là. Steph est tellement rapide, c'est une génie de tout ça, donc elle va aller nous chercher un petit bâtonnet. La boîte, en tant que telle, contient 8 sachets, ce qui est plus que j'aurais pensé habituellement dans ce genre d'emballage-là. On va retrouver comme 4-5 affaires, un peu comme dans un paquet de bâtons. Donc, c'est 8 fois 14 grammes pour ce mélange à café. Sinon, qu'est-ce que ça contient? On pourrait lire ça. Sucre, du lait écrémé en poudre, comme d'habitude, c'est à peu près traditionnellement ce qu'on a dans du café instantané. On a du café instantané, des matières sèches de glucose, des substances laitières modifiées et des trucs comme ça. Donc, rien de bien intéressant sinon. On est prêt, je pense, à ouvrir la boîte, Steph, dans le micro magique, si on veut. Juste prends le micro que tu as déjà là pour me le monter. Là. Ça va devenir un micro magique. Moi, je suis de même. Magie! Donc, on va ouvrir la boîte de Nescafé Cappuccino dans cette chronique. Une grosse pointe en glace. Les sachets sont plus gros que j'aurais pensé. Ils sont même, je dirais, énormes. On dirait un emballage de, tu sais, de petites biscottes, là, genre quelque chose comme ça. Mm-hmm. Quand même gros. Coloré, c'est très rouge, très, très luxueux, je trouve. On dirait un produit classe, tu sais, je trouve. Comme... Non. Pour du café instantané, c'est moi, pas. Moi, j'ai l'impression que je pourrais trouver ça au chalet à ma grand-mère. Je pense. Pas se date depuis 3 ans. Peut-être, mais celui-là, on a confirmé que c'est bon jusqu'en 2015. C'est oui, mars. C'est mars 2015. Donc, on va ouvrir le sachet maintenant. Ouvre ça bien, bien, bien, bien dans le micro. Y a-t-il une place pour l'ouvrir? Voilà. Ouh. Donc, c'est un sachet par verre? Un sachet par verre, s'il te plaît. Mm-hmm. Moi, pendant que tu brasses tout ça, je peux parler de d'autres nouvelles de fast-food là, à la place de les garder pour la fin. Il y a McDonald's, ça veut dire ça, qui vont offrir des frites qu'on assaisonne soi-même à Sacramento, à Stockton et à Modesto, en Californie. Ils appellent ça les Shaken Flavor Fries. C'est des assaisonnements qui sont disponibles gratuitement avec une grosse frite ou avec une surcharge pour une plus petite frite. Tu peux avoir ranch, buffalo, parmesan à l'ail. Tu donnes les frites dans ton sac qu'on appelle un fry bag, un sac à frites. Okay? Tu ouvres l'assaisonnement par-dessus ça. Tu mets le tout par-dessus. Tu fermes le sac et tu brasses un peu comme du shake and bake. C'est un concept qui est nouveau aux États-Unis, mais c'est utilisé dans plein de pays asiatiques. Là-bas, on porte des noms comme les Make Shaker Fries, les Shake Shake Fries, différents assaisonnements exotiques comme du Piri Piri, que j'aimerais vraiment beaucoup essayer. T'as algues de mer et t'as curry. Aussi, curry, c'est curry en français. Hein? Mm-hmm. Okay. Donc, tu peux brasser ça. Et t'as aussi le très anodin sel et poivre. Donc, c'est poivre sur tes frites? Ah, moi, je mets du poivre sur mes frites tout le temps. J'en mets sur ma poutine aussi. Donc, c'est les Shaken Flavor Fries qui s'en viennent chez McDonald's. Donc, t'es en train de brasser le café. C'est en effet plus crémeux que j'aurais pensé. C'est très mousseux. C'est même boiteux, on dirait. Si tu le regardes, en tout cas, de loin, ça a l'air boiteux. Boiteux. Je trouve que ça a l'air boiteux. Un peu comme sable mouvement. Écoute, il va peut-être rester des petits moutons de poudre. Des grumeaux. Parce que... Il aurait peut-être vraiment fallu mettre la poudre dans le fond. Ouais, mais on n'a pas... C'est un détail. C'est ça, on n'a pas la capacité à faire ça. Bref. Je pense qu'on va être prêt à goûter. On fera d'autres nouvelles plus tard, t'sais. Merci. J'espère que c'est pas trop chaud. En tout cas, ça fait vraiment une belle mousse. Oui. Je suis vraiment étonnée. Luxurieuse mousse, j'aime. Je suis vraiment étonnée parce que d'habitude, tu sais, la mousse, on s'attend, il faut que tu fasses mousser à la vapeur ton lait, blablabla, truc pédant à insérer ici. Là. Exactement. Donc, on tasse tout objet qui pourrait nuire à la dégustation et on se sac ça dans la gueule. Santé. Santé. Ouais, c'est fade un peu, hein? Mais il y a peut-être juste trop d'eau pour la quantité. Je pense qu'il y a peut-être trop d'eau. Ouais. Écoute, ça veut dire que ça fait pas tant de café que ça. Il y a combien de sachets? Il y a 8 sachets. C'est plus que j'aurais pensé. J'ai dit tantôt 8 sachets. Je trouve que c'est beaucoup pour une boîte comme celle-là. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a 8 sachets, mais un café de format moyen, c'est trop grand pour un sachet. Donc, c'est un petit café. C'est ça. À la fois. Parce qu'on sent la saveur de cappuccino quand même. Même que je croque un petit peu dans la poudre, il y a des morceaux qui goûtent particulièrement le café. Je goûte des copeaux de café. Oui, c'est ça. C'est comme le grain du café instantané. Ouais. Puis il y a une poudre blanche aussi avec. Donc, okay. C'était un mélange de petites poudres blanches ou beige avec quelques grains de café dedans. C'est ça qui était comme le lait qui doit faire le mousseux. Mm-hmm. Je suis vraiment étonnée par la saveur, la texture de la mousse. Ouais, c'est pas mauvais, hein? Non, c'est pas mauvais, certain. Je suis vraiment, vraiment étonnée. Très sérieusement. Mm. Ouais, je vais aimer encore plus avec de l'eau vraiment, vraiment très, très chaude. C'est sûr que là, on a amené l'eau peut-être 10 minutes à l'avance. Moi, je trouve que c'est la température idéale pour le boire. Tu trouves? Ouais, ben peut-être pour le boire, mais j'aurais aimé le mélanger avec l'eau plus chaude. Je sais pas si ça aurait fait une différence. Je pense pas, ça a déjà fondu. OK. Ça c'est déjà... C'est ça. Fusionner avec l'eau, là. Exact. J'avais encore quelques petites nouvelles. Je vais les finir avec ça parce que, bon, c'est comme le concept de la chronique de pas juste goûter à quelque chose. On reste dans les affaires à shaker. Toujours chez McDonald's, mais cette fois-ci, en fait, toujours en Californie, on reste là. C'est les Shaken Flavor Chicken McNuggets. Même concept que pour les frites, mais pour les McCroquettes, ça donne vraiment bonne idée. Donc, tu mets tes McCroquettes dans un sac qui est fourni. Tu mets ta saveur Shaken Flavor. Tu as le choix entre buffalo épicé, ail parmesan et ranch épicé. Est-ce que c'est Shaken Flavor ou Chicken Flavor? C'est ça, le jeu de mots, en effet, aurait été pas pire, mais c'est Shaken comme brassé, S-H-A-K-I-N. Les petites publicités visuelles, vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com, mais pour vrai, des McCroquettes à shaker, c'est encore une meilleure idée que les frites, mais les deux ensemble. Tu peux en plus choisir faire un mix et match. Tu peux prendre ranch pour tes croquettes, puis sel et poivre ou quelque chose de plate de même pour tes frites ou buffalo épicé. J'aime vraiment ça. Même genre de choses pour les frites à tremper chez PFK en Roumanie. Donc, quand tu t'es dit, mes frites ont besoin de plus de superficie pour mettre de la sauce dessus, tu sais. Ouais, ouais. On manque de place. Ben, ils te font des dipping fries. C'est des frites courbées un peu vers l'intérieur. Il y a comme un petit vide dans le milieu. OK? Donc, tu peux les tremper plus facilement et livrer la sauce directement dans ta gueule. Ah, intéressant. Très, très bonne idée. Donc, en Roumanie, chez PFK, on a des sauces à l'ail, ketchup, curry, salsa, aigre douce et barbecue. Dipping fries. J'espère que ces idées-là vont venir en Amérique du Nord. Chez McDonald's, on revient chez McDo. Au Japon, on a Cola version Jumbo. Pour vous rappeler que vous êtes seul dans la vie, encore, pour ceux qui sont seuls. Mais c'est un gros verre de liqueur. Et t'as deux slots, deux fentes à paille. Donc, t'as évidemment petit, moyen, grand. Et ensuite, jumbo. Et là, le jumbo est celui qui a deux pailles. C'est seulement au Japon pour une durée limitée. Probablement que le grand, ce serait déjà suffisant pour mettre deux pailles. Probablement, c'est ça. Mais il y a juste un trou. Ça fait penser, je sais pas, c'est quand la dernière fois que t'as pris une grosse liqueur au cinéma? Au cinéma, le gros format, je pense la plus récente fois que je suis allé au cinéma, j'ai pris un jumbo. Écoute, j'ai pris le plus gros. C'est parce que c'est une piscine. Oui, c'est carrément un 2 litres de liqueur. Ça a l'air de devenir quoi. Flat assez rapidement avant même c'est que ça finisse. C'est un peu n'importe quoi, là. Ouais. Je veux dire, fallait que je tienne mon verre à deux mains. Tu peux même pas tenir le verre à une main, là. C'est complètement ridicule. Absolument. Et pour terminer dans le bloc fast-food de cette chronique, une grosse pointe à l'adresse, on a assez parlé de frites, parlons de patates pilées. Oh, miam! Hein? Et maintenant, c'est à la mode, apparemment, aux États-Unis, chez Carl's Jr., de mettre des patates pilées dans les hamburgers. Ah ouais? Ouais, donc Carl's Jr. Et Hardee's qui mettent des patates pilées en Californie, dans le sud de la Californie, pardon. Donc, c'est des patates pilées à l'ail. C'est sur le reste du hamburger avec des oignons, de la sauce brune, bien sûr. Mm-hmm. Les patates, ça va avec la sauce brune, t'as pas le choix. Il y a une variété de ce qu'on appelle les mashers, c'est le nom qu'ils ont donné pour ces patates pilées-là. Donc, t'as des options de viande comme juste une boulette de bœuf bien normale, un morceau de poulet, en plus. Une grosse boulette de bœuf plus grosse, qui vient de leur burger à 6$. Donc, tu as différentes options de viande qui vont en dessous de ta patate pilée à la sauce brune. Faut voir les photos, bien sûr, sur assemblagerequis.com, mais moi, ça m'attire beaucoup, ça. Mais ça doit être bon. Vraiment? Sinon, tu peux peut-être faire une galette avec tes patates pilées puis la faire frire. Ah, miam, pour vrai. Ça devrait être bon, ça. T'as des bonnes idées, Steph. Un master Steph là-dessus, moi. Ouais, tu fais frire des patates live ici, toi. Live à la radio. Voilà pour une grosse pointe d'adresse. On a goûté à du café, cappuccino, Nescafé. On s'est renseigné sur le fast-food international. Je pense que la job est faite pour une chronique comme ça. Je suis étonnamment surprise. Oui, je t'attendais pas à ça. Hein? Par le café. Exactement. Ouais, non, j'imaginais que c'était pas mon contenu que tu parlais. Mais... Ton contenu? Non, ben j'étais déjà un petit peu au courant. T'avais déjà tout lu ça? Non. Mais tu m'as quand même consulté. Je suis un petit peu agacé sur le concept. Le café, pour vrai, je m'attendais pas à ça. Génial. Nescafé cappuccino. Il y a plusieurs autres saveurs. Il y a aussi, j'ai pas noté les saveurs, mais je sais que cappuccino, il y en a un qui est genre frappuccino, quelque chose de plus. T'en s'en fout, là. Je veux dire, si t'avais noté les saveurs, t'aurais été beaucoup trop comme à ton préparé, affaire puis professionnel. C'est pas le but. Puis ça aurait pas été ça serait pas bien allé avec ton concept. Non, le concept, c'est une grosse pointe à l'adresse. C'est ça. Puis quand je vous ferai entendre la chanson qui va autour, à un moment donné, vous allez pas en croire vos oreilles. Mm-hmm. C'est vulgaire. Mm-hmm. C'est ça. Fait que ma chronique, là, c'est une chronique de bas de classe. Okay. Okay, bon. Tenez-vous-le pour ça. Ça m'étonne que tu sois pas allumé une grosse cigarette. Ouais. Ou une grosse saucisse fumée. T'as allumé une saucisse? Ouais. Je sais pas. Tu sais, du jerky. Écoute, tu fumes tes saucisses... comme bon te sens. C'est ça, juge-moi pas. Voilà pour une grosse pointe à l'adresse, la chronique pas de classe là, qu'on va faire tous les mardis. À vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Sur ces superbes notes de funk, vous êtes bien dans le dîner de cons avec Danny Janvier. Il est midi, là, on est vraiment dans le nombril de cette journée. Et parlant de nombril, parlant de mousse, eh bien, on va aller chercher des petits commentaires avec Simon-Pierre Duchesne. Salut, Simon. Salut, Danny. Hey, c'est un plaisir pour moi d'être de retour à ton émission. C'est vraiment intéressant. On va faire attention ce midi pour pas te faire perdre ta job, mais on va quand même essayer de s'amuser, pareil. Quand je dis Simon-Pierre, ça dérange-tu ou t'as mieux Citron? Écoute, les deux me vont très bien, mais on peut y aller avec Citron pour le bien de l'entrevue. Oui, tout à fait, parce que là, je m'en viens te plugger mon matériel. Puis par plugger, je voulais dire simplement faire de la pub. Rassure-toi. Oui, j'ai eu peur un peu. J'ai comme eu un petit serrement. Sinon, justement, si on parle de Citron et les chiens de tête, là, pour, mettons, on va partir. Quelqu'un ne connaît pas ça. OK, oui. D'un coup, là. Oui. Qu'est-ce que c'est Citron et les chiens de tête? Et puis, ça fait combien de temps? Un petit historique de qu'est-ce que c'est qui, etc. Bon, un petit historique, ben, c'est bien facile. Citron et les chiens de tête, c'est né sur le bord d'un rond de poêle. Quelque part en 2006. Okay, vous êtes des cuisiniers. cuisinier. Tout à fait. La tendance est à la cuisine. Aujourd'hui, on se spécialise... On se spécialise d'ailleurs dans les produits du terroir. être à l'argent, être à l'argent, probablement qu'on sortira un livre de recettes, mais il n'y aurait pas beaucoup de pages. Donc, c'est ça. Ça a commencé quoi dans le coin? Vous êtes de Champlain? Oui, exactement, de Champlain. Ça a commencé vers 2006, comme je disais, sur le bord d'un rond de poêle. On a commencé à écrire des chansons, puis des textes. Puis on se demandait un petit brin comment faire pour faire sonner de la chanson en français, pour vrai, tu sais. Parce que c'est pas évident, puis il n'y a pas de place non plus. Tu sais, on regarde avec les téléréalités, le marché commercial est saturé pour les peut-être 15 prochaines années. À mon plus grand regret d'ailleurs, mais je pense qu'on n'a pas ben le choix dans ce cas-là de faire un produit qui se démarque, puis on y a été pas mal dans la chanson cochonne, je te dirais. La chanson grivoise. Effectivement. Justement, c'est ça, c'est peut-être pas tant ouvert au festival de la chanson de Granby. Non, j'ai jamais osé. Est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer vos trucs du genre? Non, on n'est pas très concours. Hein? Je pense que le dernier concours de chansons qu'on a fait, c'était à Lévis, puis on s'est fait mettre dehors pour avoir abusé d'un commanditaire qui était un hôtel local. Ils ont regretté la chambre gratuite. OK, on demandera. Ben, c'est pas vrai, j'aurais le goût de savoir des détails, mais bon. C'est intéressant, ça permet de visiter les postes de police locaux. c'est ça, on n'est pas très concours, en fait. Donc, vous êtes pas juste rock dans les textes? Ben non, il faut pas, parce qu'à un moment donné, je pense que ça prend une attitude aussi. Il faut que tu endosses un petit peu... Oui, exactement. Peut-être à la différence d'Éric Lapointe, mais c'est probablement un autre... un autre genre. Ouais, dans un autre registre musical, disons. Tout à fait. À date, vous avez un album de sortie. Oui, le premier album qui est sorti, c'était en 2011, si ma mémoire est bonne, l'album Partouz, qui regroupait 23 chansons à l'époque. Méga album, hein? Ouais, si on regarde les coûts de production pour des musiciens indépendants, à un moment donné, se mettent à payer le gros prix pour avoir un beau produit... Pour peut-être... c'est ça, à un moment donné, ça revient dispendieux. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je voulais dire aussi. L'album Partouz est en vente à Trois-Rivières parce que ça m'était demandé depuis un bon bout de temps. Puis on n'avait pas de point de vente à Trois-Rivières. Puis c'est une petite boutique vraiment sympathique qui s'appelle Metal Punk. C'est sur Saint-Georges, au centre-ville. L'adresse m'échappe, là, mais c'est face à l'Acrobar. En allant prendre une bière, chercher un sac, c'est facile de traverser la rue. Il n'y a absolument pas de problème. C'est un type qui s'appelle Pierre Leboeuf qui a cette boutique-là. Pour les amateurs là, de métal, de rock, de punk, pour les amateurs de vinyle aussi, il y a une belle collection. C'est une petite boutique bien sympathique. Ça vaut la peine d'encourager ce gars-là. En plus, proche du chic Acrobar. C'est génial, ça fit totalement. Effectivement, c'est un mélange parfait. Là, fait que on peut aller se prendre une grosse 50, puis après ça, aller se procurer l'album Partouz. Excellent. Et puis, quand on se promène sur le Bandcamp, c'est citronetleschiensdetête.bandcamp.com. Oui. Mais le plus facile, c'est tu marques Citron et les chiens de tête, là, puis tu trouves, c'est la première adresse qu'il donne. Effectivement, là. C'est ça. Il n'y a pas 18 bands qui s'appellent Citron et les chiens de tête. Non, ça, c'est un plus. c'est un plus, d'ailleurs. Ben, ça pourrait porter à confusion. Ce serait peut-être pas une bonne idée non plus pour l'autre band. Ouais, peut-être aussi. Ou en tout cas, il va falloir qu'ils assument de nous ressembler. Exactement. C'est ça, tu me disais qu'il y a 23 pièces, mais quand je me promène sur le Bandcamp, là, je fais mon innocent, mais il y a plus que 23 pièces. Effectivement. Effectivement, Réjean. Oui. Non, mais c'est une très belle observation, mon cher Danny. Mais comment ça se fait? C'est parce que les chiens de tête, on est quand même entre deux brosses, on est quand même relativement productif. 2014, ça a été une bonne année pour nous autres, puis On a décidé d'enregistrer des chansons comme ça sans nécessairement vouloir le sortir sur un produit physique pour pas avoir à mettre l'investissement. Je pense qu'on est rendu là. Hein? Il y a plus grand CD qui se vendent à part d'un show. Là. Ben, c'est pas mal ça aussi. Les gens, bon, se servent de plus en plus de leur téléphone, ce qui est peut-être pas une bonne chose ça non plus, mais bon, c'est ça. Il faut faire avec, je pense, puis adapter les produits, puis donner du contenu en ligne. Je pense que c'est un peu comme ça. De toute façon, c'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que ça va forcer les musiciens à faire de la route, tu sais. Puis à aller jouer de la musique, pas rester les deux pieds à maison, puis à attendre le chèque. Ça, je pense que ça va faire du bien à plein de monde. Ouais, c'est sûr. Mais bon, moi qui est musicien de studio, j'ai le goût de pleurer. Mais là, ouais, tout à fait. Mais là, si je prends, je sais pas si tu connais la célèbre Anita qui avait interviewé Fidèle Lachance. Oui. Je te dis, est-ce que c'est plus la pluie ou le soleil qui t'inspire? Oh, ça c'est une bonne question. Je pense que c'est le fond de bouteille dans mon cas. Puis là, je parle pas des lunettes. OK. Ouais. Donc, mais, fond de bouteille, c'est quoi ton processus créatif citron? Ah ben c'est le fun parce que moi j'essaye, si on regarde un peu les chansons qu'on a faites jusqu'à présent, c'est pas mal tout le temps une chanson qui tourne autour d'un sujet, tu sais. Moi j'aime pas ça tirer à gauche pas à droite, ben là je parle dans l'écriture bien entendu. Et puis c'est ça, j'aime mieux me concentrer peut-être plus sur une écriture qui est photographique qu'une chanson, un sujet. Puis aller comme ça, ça fait que je sais pas, tu sais, je vais m'asseoir au bar, pas loin de chez nous, dans l'après-midi. Puis j'écoute les bonhommes prendre leur bière pour faire des jokes cochonnes à serveuse. Puis ça alimente la boîte à idées. Excellent. Check, Simon, on va aller écouter Citron. On va aller écouter une toune. Oui. La pièce Éric Masson. Ah, ben oui, ben Éric Masson, c'est un incontournable. Hein? Ben, on l'aime donc, Éric Masson. On l'aime donc, Éric Masson. C'est quelqu'un qui a plein de talents. Il n'y a pas meilleur pour nous faire la compagnie créole. Fait que je pense que la chanson parle d'elle-même, de toute façon. On va aller écouter ça tout de suite, puis on se rejase après. C'est parfait. Un sourire contagieux, pieds nus sur scène, puis un beau petit chapeau de poil sur la tête. Chapeau de poil sur la tête. Le parfait chansonnier, les matantes l'aiment, puis ses chansons, j'ose à rythme FM. J'ose à rythme FM. Il est comme le bon Dieu, c'est pas mêlant, on dirait qu'il est partout en même temps. Partout en même temps. Dans tous les bords de la ville, chaud en plein air, et puis même les salles communautaires. Salles communautaires. Chaque année à Saint-Jean-Baptiste, moi j'aime bien ça. On court tout à Saint-Maurice, au show d'Éric Masson. On écoute des belles chansons, pis des rigodons. On l'aime dans Éric Masson. On est fiers de voir sa belle carrière, meilleur que le pain maison d'Éric Masson. Un garçon bien élevé, lâche pas de jurons, pis ça s'ennuie jamais en boisson. Jamais en boisson. On est tout excités, on chante avec lui quand il fait la compagnie créole. Compagnie créole. Même tout seul avec sa violoniste, moi j'aime bien ça. On court tout à Saint-Narcisse, au show d'Éric Masson. On écoute des belles chansons, pis des rigodons. Ah, Hey, c'est donc bon, Éric Masson. Ah, on l'aime, hein? Ben, écoute, une voix angélique, je veux dire, quelqu'un de dynamique, un bon choix de chanson. Oui, tout à fait, tout à fait. Là-dessus, d'ailleurs, je voudrais remercier mademoiselle Alexandra Lacroix qui a fait les voix là-dessus, qui sont magnifiques. Des bacs, Ouais, tout à fait. Elle est toujours disponible pour nous autres, puis elle nous charge des tarifs préférentiels. Ridicule. Ce qui est à dire, à vrai dire, pas une scène. Alors là-dessus, il faut la remercier pour sa disponibilité. Puis tant qu'à être là-dedans aussi, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont collaboré au projet parce que c'est rare. On a la chance d'avoir des très bons musiciens qui ont travaillé pour nous autres puis qui ont toujours travaillé rien que pour de la bière. bon, ça revient quand même dispendieux parce que c'est des musiciens, mais faut quand trous. Même... ouais, c'est ça, tout à fait, pour pas dire des truies. Mais là-dedans, il y a le grand Martini qui a réalisé, qui nous a aidé à trouver notre son. Il y a Melon Bienvenu qui est venu chanter. Le trompeur masqué au cuivre. Dans excellente, la... les cuivres en passant. Oui, tout à fait. Ça donne un petit hop de plus. Là. Tout à fait. C'est une belle expérience des cuivres, là, si on parle de... C'est con, mais ça fait sérieux dans des trucs un peu humoristiques, on peut le dire, des fois. Ou relativement. J'aime pas l'étiquette de l'humour parce que, je veux dire, souvent les gens associent ça au grand gueule ou des choses comme ça. Mais mettons un côté peut-être joual et peut-être sarcastique. Effectivement, tu sais, je sais qu'il y a des punchs, puis même il y a certains punchs qui me font rire moi-même, tu sais, en même temps. Mais c'est peut-être rire de qu'est-ce qui est risible aussi dans ces chansons-là, peut-être plus que du stand-up, mais je comprends le point, tu sais. Mais j'essaie toujours de le défendre un peu parce que je veux pas être associé au festival juste pour rire. Ben, c'est ça, c'est pour ça, c'est pas des fois. Puis surtout que souvent, des fois, ce qui va être drôle, c'est des trucs qui sont tellement pas, là, tu sais. Effectivement. Puis ça, il faut le savoir, tu sais, les gens, quand ils entendent Citron les chiens de tête, ils vont entendre juste le côté vulgaire des fois, puis, mais ils voient pas le fond de la chose. Moi, c'est ça qui m'a fait triper. Ça semble être tellement premier degré, tellement léger, mais en l'étant pas, là, que tu perds des fois le vrai fond de la chose, parce que le fond de la chose, il est tout le temps tellement intense puis vrai. T'as un super regard sur la société autour de toi, tu sais. En écriture, j'essaie de toujours travailler pas tant le propos, mais que l'idée de fond soit défendable, tu sais, de pouvoir arriver puis dire oui, peut-être qu'il y a des jokes de pète là-dedans, mais regarde en arrière qu'est-ce qui est écrit, c'est ça. Bon, la joke de pet, c'est un accessoire, tu sais, rendu là, mais j'essaie de toujours pouvoir défendre les textes à plus forte raison devant les gens qui me détestent parce que moi, j'adore, je me nourris de la haine que les gens, tu sais, c'est un peu comme le gros tas de marde à la lutte qui frappe d'un gosse du monde, ça n'en prend quelqu'un, puis les huer, c'est nourrissant, j'adore ce côté-là. De déranger un peu. Tout à fait. Ben ça n'en prend, parce que si on regarde qu'est-ce qu'on entend ces ondes aujourd'hui, c'est facile, là. Je veux dire, ça pète rien, là. Bon, est-ce que c'est correct? Je sais pas. La majorité des gens ont l'air d'aimer ça, tu sais, mais aujourd'hui, on fabrique des vedettes en 9 semaines, on s'en sert un an, puis après ça, on les renvoie dans le patent de faire la vaisselle, tu sais, dans un restaurant. Des fois, on les revoit genre 15 ans plus tard qu'ils ressortent de quoi, là. C'est pathétique. Ben oui, c'est ça. Puis si ça se trouve, c'est qu'ils réussissent à faire quelque chose encore plus mauvais qu'ils ont fait le premier coup. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est ça. J'aime ça déborder un peu de ça. Puis justement, les gens à l'écoute qui maïssent, continuez, s'il vous plaît, parce que je me nourris de cette belle haine. C'est pas perdu, là. Mais justement, c'est pas perdu, vous allez continuer à faire. Tantôt, tu nommais plein de gens qui travaillent avec vous autres. Vous êtes chanceux, vous avez une belle crowd qui vous suit quand même tout le temps. Ça, c'est un des trucs les plus précieux qu'on a. C'est rare, ça, quand même. Tout à fait. Puis quand on dit une vraie crowd, puis il y a toujours du monde qui sont là à vos shows, puis ça chante les tunes, puis... tu sais, ça trippe quand même. Est-ce que pour le deux, ben, mettons, parce qu'il va avoir un deuxième album? Il va avoir un deuxième album. Si on regarde, là, 2014, ça a été une année très productive, comme je disais tantôt. On a sorti quelques chansons qu'on peut retrouver sur le Bandcamp, là. Des thèmes comme les récoltes, prostitution, les boomers, Éric Masson qu'on a entendu, les scrapes de femmes, une version, ben, à nous autres du Haut-Canada aussi. Religion, ça va-tu être là-dessus? Religion, ça, moi, c'est... je la trouve malade, cette tune-là. C'est justement la bonne nouvelle, parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que la chanson Religion, la session d'enregistrement a été perdue. OK. Et puis, je suis allé faire un tour pour joindre Tremblay, qui est en Alberta présentement. Je suis allé le rejoindre pour enregistrer des nouvelles chansons. C'était un projet à base qui se voulait acoustique, peut-être un peu, pour se rapprocher... se rapprocher du bord du feu un peu, puis donner un autre feeling. Puis on n'a pas été capable de se retenir. On a sorti les guitares électriques, puis un peu de drum. On sent quand même une différence là, de son et d'ambiance dans certaines tunes. Puis on voit que vous êtes juste les deux à travailler là-dessus. Tout à fait. C'est pas moins bon, c'est juste différent, tout simplement. Tout à fait. Puis bon, c'est sûr que parce que pour les prochaines semaines, les 9 chansons qu'on a enregistrées à Calgary, puis d'ailleurs, moi, je voulais m'inspirer du paysage des Rocheuses pour faire un projet grandiose, peut-être plus connecté à la nature, justement, avec des DJ Redo, des chorales, puis tout ça. Des chèvres, tout le ouais, reste. Exactement, des cloches à vaches, puis tout le kit. Finalement, on s'est enfermé dans le studio, puis on a bu de la bière. Fait que ça ressemble à qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce que vous êtes? Ouais, tout à fait. Tu sais, c'était chauffé au propane, cette cave-là. Bon, c'était merveilleux. Ça fait que c'est ça. Mais on voit, par exemple, vu que l'idée de c'était un projet un peu plus acoustique. On voit que la guitare acoustique prend peut-être place. Un peu plus de place. Mais c'est pas nécessairement mauvais. Là, diluer dans le restant du contenu, ça va faire quelque chose. Puis en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un autre 20-23 chansons là, qui n'avaient jamais sorti sur disque. Puis on a de la demande un peu pour ça. Fait que je peux annoncer en primeur à ton émission, Danny, qu'effectivement, au début 2015, il y a un deuxième album double qui va sortir. Oh, il va y avoir du stock. Mais c'est tout ça, tantôt, on n'a pas fini sur Religion. Est-ce qu'elle va se retrouver ou vous l'avez perdue? La session d'enregistrement a été perdue, mais c'est pas grave. On y a donné une touche un peu plus acoustique puis une nouvelle approche de cette chanson-là. Est-ce qu'elle est plus sur le Bandcamp? Hein? Non, elle est plus sur le Bandcamp, mais c'est ça, elle va y être là, bientôt. C'est quoi? Est-ce que vous avez eu des menaces d'Allah, du mouvement musulman? J'aurais aimé ça. C'est clair. J'aurais aimé ça. Je leur ai renvoyé par la poste une livre de bacon. Il aurait adoré, je suis sûr. Avec un dildo. Oui. Effectivement. Ça aurait été probablement un beau cadeau que j'aurais pu leur faire. Ah, puis une caricature de Mahomet aussi. Ah oui. Il t'aurait peut-être accroché. Ça. Là, probablement. Ça, c'est le pire, là, la caricature. La caricature, ça a l'air de les chatouiller. Chocs. Oui. Ça oui, les oui, choque oui. Fort. Écoute, bon. Hey, on va aller se taper une autre pièce. Il n'y a pas de problème. Qui s'appelle... Celle-là, tu m'as dit que c'était récolte, hein? En plein ça. On va y aller avec les récoltes. On va écouter ça, voir, on s'en va surtout écouter. Surtout qu'on est en plein dans le temps. C'est le harvest time. Tout à fait, profitons-en. Même si je travaille pas et puis que je bois trop, toi t'es toujours là. Paye mon sirop, même si je gage au cap et que je paye pas l'hydro. En plus tu es ta cat, tu fais de l'eau vendre un yellow. Je fais pas le ménage, je fume des gringos, je te fais pas les messages. Puis on doit au proprio quand on va aux chiottes, puis qu'on pue de rouleau. On vole des napkins au McDo. Mais quand je vais vendre ma récolte, m'en va t'amener sur la plage dans une belle auto. Mais quand je vais vendre ma récolte, j'achète une bague, tu feras plus de la porno. Même si la TV, ton ordi pis le divan, ben moi je les dois. J'ai urgent content quand on va aux chiottes, pis qu'on pue de rouleau. On se torche avec les rideaux. Mais quand je vais vendre ma récolte, on va t'amener sur la plage dans une belle auto. Mais quand je vais vendre ma récolte, j'achète une bague, tu feras plus de la porno. Mais quand je vais vendre ma récolte, on va t'amener sur la plage dans une belle auto. Mais quand je vais vendre t'achètes une bague, tu feras plus de la porno. Ma récolte, si tu te bats pas de l'hydro, et planter ça dans les champs sur le bord de l'autoroute. Mais fie-toi sur moi, elle va rapporter gros. Le vent va tourner de bord pour nous autres. T'achètes une bague, t'amènes si à la plage. Pis la fin la plus importante là-dedans, te l'avais promis. Tu feras plus des films porno. Récolte de citron et les chiens de tête. Et pendant la toune, on parlait de ça justement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a souvent dans du citron et les chiens de tête des petites ressemblances à du punk. Et puis, c'est rare qu'on entende du francophone québécois qui sonne comme ça. Et puis, vous l'avez vraiment le son. C'est quoi votre secret? Je pense que le secret est probablement produit par les brasseurs RJ. Mais, tu sais, comme je te disais, dans le fond, c'est pas évident d'avoir une attitude en chantant en français pis avec vraiment ce pas. Son-là, on a entendu... C'est où tu sonnes trop joual, où tu sonnes tapette, où tu sonnes... Et quand je dis tapette, c'est pas péjoratif, ce n'est pas en rapport avec les homosexuels, j'aime mieux le dire. Tout à fait, je le vois faire des immenses là. Guillemets, oui. Il y a beaucoup de bandes qui se sont cassées à gueule en essayant d'avoir un son comme ça, puis en n'ayant pas d'attitude, puis je pense qu'y aller dans le vulgaire un peu, dans le grossier, puis dans le trash au niveau des textes, je pense que ça nous sert bien, tu sais. Mais je pense que si les gens, justement, étaient plus connaissants de l'anglais, ils verraient que des fois, ça fait, puis c'est trash. Ah oh ben mon Dieu! Ici au Québec, les gens connaissent pas l'anglais. Fait que quand c'est trash ou que ça parle de n'importe quoi, ben tu sais pas, t'entends « wing, shring, shring, shring », c'est pas grave, c'est ben fini, non, ça passe bien, tu sais. Ici, c'est parce que quand tu dis le mot, c'est tout le monde l'entend, tu sais. Bon, à l'époque, là, qu'il y avait un gros buzz, combien t'as vu de parents aller acheter un album d'Eminem à leur kid? Exact. S'ils avaient entendu. Oui, ben c'est ça. Puis là, on peut dire NoFX aussi. Je veux dire, c'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, moi, j'écris ça, puis je chante ça absolument sans complexe, parce que faut pas s'arrêter à ça. Faut pas s'arrêter à qu'est-ce que le monde pense, tu sais. Puis ce que j'aime, c'est avec un projet comme ça, comme on disait plus tôt, il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui partagent sur Facebook. Y a, avec un petit public Internet, on réussit... On réussit à avoir une certaine diffusion, tu sais. Regarde, on approche, on frise les 50 000 téléchargements sur Bandcamp. C'est fort. Ben, c'est une belle fierté. Oui, c'est beaucoup, tu sais, pour du monde qui savent pas se vendre, qui sont un peu trop cons pour le faire, puis je veux dire, qui sont pas diffusés nulle part. Ça fait qu'à ce moment-là, je trouve que ce projet-là, il est nécessaire. Mais c'est malade, 50 000. Oui, tout à ça, fait. Ça, vos downloads sont gratuits? Les downloads sont gratuits. Il y a des gens, si ceux ils peuvent donner veulent, ce qu'ils veulent. C'est ce qui est le fun, c'est Bandcamp. Effectivement. Est-ce qu'il y en a des fois qui donnent quand même? Oui, oui, il y a quelques personnes qui donnent de l'argent pour ça. Puis soyez assurés, nous autres, on réinvestit. On ne garde pas l'argent pour nous autres. On réinvestit dans l'éducation des futurs médecins et ingénieurs. Là, c'est-à-dire qu'on dépense tout ça aux danseuses. Génial. Oui, oui. Et puis là, les projets à venir pour Citron les chiens de tête, pour terminer avec ça tantôt. Là. Bon, ben les projets à venir... On parlait de vidéo. On parlait de vidéo, peut-être pour l'été prochain. Un beau vidéo pour la chanson Éric Masson, justement. Avec la même gang qui ont réalisé le vidéo de Sodomiser le curé, qui était un très beau vidéo, soit dit en passant. Quand même pas mal de vues sur cette vidéo. Oui, quand même. c'est assez intéressant. L'idée fait son chemin. Ça se promène un peu. Il y a un spectacle qui s'en vient c'est aussi. C'est ce que je me demandais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Citron en spectacle. Tout à fait. Ben, on a un chien de tête qui est en Alberta pour l'instant. Ça fait que... C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Ça réduit peut-être les opportunités, mais on s'est fait approcher par le chic cabaret, le manoir antique de Champlain. Qui est le bar où ce que je vais me saouler la gueule. Ouais, tout à fait, depuis bientôt. Ils vont vous payer avec ton cash. Ah ben, ils ont eu la grande sagesse de nous offrir un all you can drink, fait qu'on n'a pas pu résister. Tout à fait. Puis c'est ça, le 31... octobre, soir de l'Halloween. Et puis, votre comparse sera pas là. Vous allez avoir un remplaçant ou... Ça se remplace pas, un chien de tête. Ben, excusez. Ouais. Mais vous avez essayé d'en remplacer. On a essayé, puis ça a jamais fonctionné. Il partait de son bord. Le tout à fait. Tête, il suivait pas la ligne. Tout à fait. Ça fonctionne pas. Ça fait qu'on va donner une prestation. Trio? Oui. Oh, une formule en trio qui a déjà été testée d'ailleurs, qui fonctionne relativement bien. Puis je vais faire une partie en solo aussi pour ouvrir le spectacle. Ployer les nouvelles chansons qui sont un peu plus proches. C'est ça, effectivement. Ben, ils sont dans l'esprit, tout, ils ont composé de même, même s'ils ne sonnent pas tant comme ça. Mais ils sonnent quand même plus acoustique. Ils sonnent un peu plus acoustique. La guitare acoustique est vraiment mise à l'avant-plan. Mais bon, c'est ça, parce que pour ce qui est de ces chansons-là, pour les 6 prochaines semaines, ils vont en sortir une par semaine. Okay. Puis il y a des chansons qui vont s'en éloigner un peu plus. Comme je peux déjà donner une primeur en fin de semaine prochaine, la chanson va s'appeler Casino, puis c'est un peu plus agressif, là. Il y a d'autres trucs qui vont sortir. Une chanson, c'est Bord de campagne. Une chanson qui va s'appeler Promesse. Une qui va s'appeler J'ai le goût de me mettre. Je me demande de quoi ça va parler encore. Te mettre où? Ben, c'est ça, là. C'est un peu comme un livre où est Charlie, là. C'est ça. Mais, fait que c'est ça. Manoir antique, c'est à Champlain, sur la Maine. C'est bien dur. Écoute, moi, je vais faire... Il y a plein de boissons à donner au monde. Là. Ça va probablement aller aux filles qui ont plus grosses boules parce que c'est moi qui décide. Ça fait que le message soit lancé pour vous, mesdames. Question, c'est quoi Barillon? C'est qui? OK, oui! Il y a une toune sur le citronleschiensdetête.bandcamp.com qui s'appelle Barillon, qui est dans les nouvelles tounes. Effectivement. Ça a-tu été fait à Calgary? Non, le Barillon, ça a été fait à Champlain début 2014. Okay. Le Barillon, c'est un espèce de dragon chinois qui a été inventé à un moment donné. Ça a été invoqué au Moyen-Âge, là, autour des années 1400, par des grosses femmes en manque de sexe. Okay. Ça fait que le Barillon est sorti direct des enfers pour venir planer au-dessus du monde sous pour les empêcher de tomber dans un ravin puis de se tuer ou des choses comme ça. Ça fait qu'il va... Il va te protéger, mais en échange de sa protection, probablement que tu vas foutre la merde et finir au poste de police ou ben non, t'envoyer une grosse femme. C'est okay. Un peu le concept du Barillon. Plus t'es sous, plus il plane au-dessus de toi en flottant dans les airs avec ses petites mains en avant qui se frottent puis son rire. Mais qui t'amène des fois dans la merde. Et il va t'amener dans la merde, mais au moins il va t'empêcher de la pire merde. Okay. C'est ça, c'est pas gratuit avec le Barillon, mais une fois de temps en temps, par exemple, cadeau pour promotionnel. Si t'as assez de points Barillon, tu vas t'en ramasser une belle sans que... Ça va c'est tomber ça. Du ciel, là, même. Tout à fait, sans que t'as rien à faire. Oui, ouais, c'est un peu... c'est ça. Quand t'as assez de points Barillon, ça se peut que ça l'aille bien. Mais par exemple, t'es payé cher tes points. Tu sais, c'est un concept, mais c'est ça. Portez bien attention, on le voit souvent rôder. Ben, à Trois-Rivières, en plus. Ouais. En acrobat. Il est souvent dans ce coin-là, en effet. Hey, Simon. Oui. Merci beaucoup. Eh ben merci à toi, mon cher Danny. C'est un plaisir de venir à ton émission. Un plaisir de vous écouter. Bon, fait que moi, je voudrais juste en terminant rappeler, c'est ça, aux gens, une chanson par semaine qui va sortir pour les 6 prochaines semaines. Il y a une page Facebook de Citron et les Chiens de tête. N'hésitez pas, vous avez toutes les nouvelles là-dessus. Partagez les chansons pour nous autres, ça nous donne un bon coup de main. Puis il y a toujours le Bandcamp, puis il y a du matériel aussi un peu sur YouTube. Ça fait que allez voir ça. Puis c'est ça, 31 octobre, Manoir Antique à Champlain, et puis Metal Punk. Face à l'acrobat sur Saint-Georges. Se procurer l'album. Et puis 2015, on va avoir un nouvel album. Imaginez. Mais on peut tout aller se faire plaisir sur le citron et les chiens de tête.bandcamp.com. Merci encore, Simon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Allons-y avec la chronique où on parle des phrases qu'on utilise dans la vie, mais qu'on sait pas que ça qu'elle va dire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est sa plus simple expression. Sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. Oui! Oui! Oui! on va un peu apprendre d'où viennent ces expressions-là qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. À mais tort et à travers, hein? D'où ça vient, ça? Je sais pas. C'est, hein? Bon. Aujourd'hui, Mathieu, mathématiques. En fait, là, je parle pas de mathématiques, là, mais je veux dire mathématiques. Ta thématique, pas mathématiques non plus. Ah, mettons, tu regardes dehors, tu regardes les arbres ces temps-ci. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Je vois du jaune-orange, du vert-pomme. Oui, donc. Des feuilles l'automne. Des couleurs. Des couleurs. Ah, OK, oui. Ah, oui. Mais comment ai-je pu faire cette erreur? Oui, donc les couleurs et cette thématique, bien sûr. Mais parce que tu m'as nommé les couleurs, il fallait que tu me dises que le mot couleur. OK. Donc, on y va avec les couleurs cette semaine. Et je commence tout de suite avec rire jaune. Qu'est-ce que ça veut dire, rire jaune? Ben oui, mais rire jaune. T'as pas le droit de parler d'asiatique. Non, ben jamais, j'oserais jamais. Non, c'est quand je fais rire de moi parce que quand je mange des hot dogs, je me sac de la moutarde partout autour du visage. C'est toi qui ris jaune. Les gens rient de moi et de mon jaune. Un rire jaune, c'est rire de manière forcée. Donc, souvent, ce qu'on fait quand on entend tes blagues, ou rire en dissimulant mal un mécontentement, un dépit, une gêne. Ah, OK, OK. Mais si je voulais rester asiatique, j'aurais pu dire que du riz jaune aussi, c'est très bon. Là. C'est quand il y a un petit peu de curry, C'est pas super... Pas super ouais, asiatique plus, oui, ça. Oui, indien peut-être. Indien, d'accord. Donc, en fait, l'origine, si le jaune, c'est une couleur considérée comme positive, hein, on a le soleil, donc la vie, l'or, la richesse, le blé, c'est la nourriture. Donc, c'est très positif, mais il y a eu souvent ça, une connotation négative avec la couleur jaune. Donc, Judas, par exemple, le traître, était représenté comme vêtu de jaune. Ensuite, être habillé en jaune, c'était à l'époque médiévale. Dans l'époque médiévale. Ah, il est médiéval, ton sandwich. Vite, parce qu'il faut tailler à ton cours. C'est ça. Et dans certains pays, signaler être juif, donc la loi le voulant ainsi. Donc, ce qui rappelle l'infâme étoile jaune au cours de la dernière guerre mondiale. Le jaune du soufre rappelant Lucifer. Sinon, être peint en jaune, c'était être trompé par sa femme. Hein? Et dans l'Espagne de l'Inquisition, les victimes des autodafés étaient vêtues de jaune. Donc, il y avait beaucoup de connotations négatives. Même aujourd'hui, j'ai déjà parlé de la couleur des roses. Si t'achètes un bouquet de roses jaunes, ça signifie la jalousie. Donc, on reste dans le négatif. Ah, ouais. Ça, c'est bizarre à offrir. Ouais, c'est une signification très lointaine. Tu fais pas là. Ça parce que t'es jaloux, donc tu lui offres des fleurs jaunes. Mais peut-être que, sans le vouloir, si t'achètes des roses jaunes... Peut-être que tu es jaloux sans le savoir. Oh, c'est ton tonne à canavie. Donc, certains situent cette expression pour la première fois avec le sens actuel chez Saint-Simon au 18e siècle. Il rattache le jaune au teint des hépatiques. Là, on parle, tu sais, l'hépatite. Pas l'hépatite, ouais. Donc, qui, compte tenu des désagréments de leur maladie et de l'humeur qui en découlait, ne pouvaient rire que de manière forcée. Comme quand je dis, mettons, genre, hey, cette fille-là, elle est grande pas mal, hein, elle est petite, hein. Et ouais, petite. Donc là, on rit jaune parce que c'était pas très drôle. Mais en 1640, Houdin, donc je ne connais pas Houdin, mais celui-là a écrit « Il rit jaune comme farine ». Donc c'était une expression de l'argot de l'époque où farine, ça désignait pas l'aliment, mais ça désignait quelqu'un de vicieux. Donc des gens de même farine qui désignaient dans le dictionnaire de l'Académie française de 1694 des gens qui sont sujets à même vice ou qui sont de même cabale. Donc, autrement dit, dès cette époque, le rire jaune désignait un rire malsain, dissimulateur. Ensuite, si je te dis de but en blanc. De but en blanc. De but en blanc, ça a sûrement rapport avec le hockey, évidemment. quand tu vas voir une partie de hockey, la plupart des gens sont en effet blancs. Fait que c'est un peu raciste. Hein. Je trouve que tout le monde est pareil au hockey. Fait que c'est de but en blanc. C'est juste des blancs qui regardent des buts. Les blancs regardent des buts. Bon. Tout de même, ça se passe. En fait, ça veut dire brusquement, sans détour. Ça, j'ai dit. Ouais, c'est exactement. Donc, cette expression date du 17e siècle et est d'origine militaire. Donc, on a remplacé la locution de pointe en blanc. Où pointe désigne l'endroit duquel on pointe et où on vise dans le cas d'une arme à feu. Donc, le blanc, c'est tout simplement la cible dans le cas d'un entraînement au tir. Donc, le but est ici une déformation de but venue de la butte de tir, point d'où on tire, encore utilisé de nos jours pour les archers. Donc, ce but ne désigne donc pas ici la cible ou le but à atteindre, comme on pourrait le croire, mais le point de départ d'un tir de courte portée en ligne directe. Duquel on tire rapidement, donc sans viser longuement préparé, ce qui explique la notion de brusquerie. Donc, à opposer au tir à distance qui nécessitait des mesures et un réglage particulier pour faire décrire une courbe en hauteur au projectile, le tout prenant certain temps. Donc, on ne pouvait pas parler à ce moment-là d'action brusque. Voilà. Intéressant, tout le temps, ben oui. Ensuite, on parle peut-être un petit peu de bouffe, là. Un cordon bleu. Cordon bleu. Un cordon bleu. C'est La canne de boulette. La canne de boulette, ouais, c'est ça. Luxueuse de canne de boulette, ma préférée, finalement, tu sais. Donc, c'est ce que j'utilise. Et quand je mange ça, hein, j'ai besoin de me desserrer la ceinture. Mais vu que je veux pas perdre mes pantalons, je me mets un cordon bleu comme de robe de chambre. Ça tient mes pantalons, mais sans que je sois trop pogné, tu comprends ça? Ah, c'est n'importe quoi! C'est un cordon bleu, c'est ce que j'utilise. Enfin, juge-moi pas! Donc, hein? Cordon bleu, là même, c'est un peu sexiste parce que c'est écrit une très bonne cuisinière. OK. Ça pourrait être un très bon cuisinier. Dis-moi pas quoi faire, va me faire à manger. Ah, oui. En fait, au féminin, ça devrait être une cordonne bleue. Oui. Non, c'est pas vrai. Cordonne bleue. Donc, celles ou ceux, car il existe aussi des hommes qui se débrouillent plutôt bien en cuisine, qui, grâce à leur talent culinaire, enchantent les papilles, sont appelés des cordons bleus. Par le plus grand des hasards ou presque, il se trouve que le terme cordon bleu a autrefois désigné des décorations de prestige offertes par les rois. Donc, à la place des sommes d'argent, donc c'était plus économique, aux personnes méritantes. Donc, il en est ainsi que l'insigne des chevaliers du Saint-Esprit, ordre créé par Henri III vers la fin du 16e siècle, et distinction élitiste qui n'a été proposée qu'à peu de personnes, qui étaient appelées des cordons bleus. Donc, à l'époque, on trouvait aussi la jarretière d'Angleterre, l'éléphant du Danemark, etc., etc. Toujours est-il que ces décorations associées à un cordon ou un ruban bleu est né le qualificatif « cordon bleu » pour dire le plus remarquable. Donc, à l'époque, c'était plutôt appliqué à des chevaliers, des personnes méritantes. Donc, appliqué ensuite, c'était d'abord par plaisanterie qu'on disait aux bonnes cuisinières, les plus méritantes d'entre elles, qu'elles étaient des cordons bleus. Et ça, c'est tout simplement resté aux cuisinières et ça s'est effacé ailleurs. Mmh. Donc, cordon bleu. Cool. Voilà. Ensuite, là, je pense que tu vas te sentir concerné. Une nuit blanche. Une nuit blanche, les nuits blanches. Moi, je préfère les nuits comme un gris 5 à 10 % environ. 7-15. Comme ça, je dors un peu, mais un minimum, tu sais. Comme, mettons, cette nuit, ça donne des blagues comme ça le lendemain, okay. Ouais. Moi, je fais des nuits, 50 nuances de gris de nuit. Bon. Oh boy. Je vais rire jaune. Il y a de malaise. Donc, une nuit blanche, c'est une nuit sans sommeil. Donc, on n'a pas vraiment de certitude à 100% d'où ça provient, mais il y a vraiment beaucoup d'hypothèses très intéressantes. Donc, c'est quand même très, très rempli comme documentation sur cette expression-là. Donc, la première attestation date du 30 octobre 1771, donc c'est quand même très précis. C'est dans une lettre de la marquise du défunt, Marie de Vichy-Chameron, alors âgée de 74 ans. Bref, on s'en fout, là, qui écrit quoi à qui, là. Donc, c'est écrit « Vous saurez que j'ai passé une nuit blanche, mais si blanche, que depuis 2 heures après minuit que je me suis couchée, jusqu'à 3 heures après midi que je vous écris, je n'ai pas exactement fermé la paupière. C'est la plus forte insomnie que j'ai jamais eue. » Wow! Donc, comme il ne semble pas exister de traces antérieures dans la littérature française, donc à 1771, certains mettent l'hypothèse que ce serait elle qui aurait inventé le terme. Mais comme on trouve d'autres ouvrages postérieurs, moins d'un an et demi après, ben c'est pas certain que ce soit le cas parce que ça serait arrivé un peu trop vite pour que ça soit vraiment à l'origine. Donc, une autre possibilité, peut-être un peu plus véridique, ça serait tout simplement la simple opposition à nuit noire ou celle où, en temps normal, on dort d'un sommeil généralement bien mérité, à une nuit passée en restant éveillé. Ce serait la nuit blanche. Donc, ça serait soit par contraste ou soit parce qu'on passe la nuit avec la lumière allumée. Ouais, ça a du sens ça aussi, ouais. Hein? Sinon, pour le confirmer, il suffit de se souvenir qu'en français, le qualificatif blanc désigne souvent un manque. Oui. Par exemple, un mariage blanc, un examen blanc, un tir à blanc ou encore une voix blanche. Un blanc de mémoire aussi. Ouais. Mm-hmm. Donc, bien entendu, on peut trouver quelques autres explications. Sinon, attends un peu. Oui, l'hypothèse qui serait la plus vraisemblable de toutes les explications, parce que ça respecte la chronologie. Donc, ça viendrait de Saint-Pétersbourg, en Russie, À l'époque, c'était la capitale, donc il y avait c'était le règne d'Élisabeth puis de Catherine II. La cour royale était située là. Donc, c'était fréquenté par de nombreux Français en été principalement. Or, à cette époque de l'année et à cette latitude, les nuits sont loin d'être vraiment noires, donc le soleil ne se couchait jamais vraiment complètement. Donc, dans ces années-là, la tradition perpétuée actuellement par le Festival des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg. Donc, la vie nocturne battait son plein. Donc, autant dire que ceux qui participaient aux bals et autres fêtes tardives passaient des nuits doublement blanches, à la fois par l'absence de sommeil et par la luminosité de la nuit. Mmh. Donc, il y a plein de possibilités qui expliquent, en fait, cette expression-là. Laquelle est vraie, on ne sait pas, mais c'est le même. On continue avec le blanc. Une arme blanche. Arme blanche. Ben, j'imagine que ça a rapport avec la nuit ou un rapport avec un manque. Un manque, probablement. Donc, arme blanche, ce serait un manque d'armes. Donc, tu tires, mais dans le fond, tu imites un gun avec tes doigts. C'est sûrement ça, une arme blanche, hein, j'imagine. Quand t'as ça dans un bulletin de nouvelles, ils vont dire une arme blanche parce que le gars, il mimite. Ouais, c'est ça que tes doigts, c'est un peu raciste. Aussi raciste. Faut que tu sois caucasien pour faire une arme blanche avec tes doigts. Oui. Ben, je suis contente, t'écoutes quand même un peu ce que je dis. Tu t'es souvenu que blanc, ça signifiait un manque. Mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est une arme munie d'une lame. Donc, c'est par opposition à une arme à feu. Donc, contrairement aux armes qui emploient la force d'une explosion, dont un pistolet, un fusil, un canon, l'arme blanche emploie la force de l'homme et est munie d'une lame et elle est perforante ou bien tranchante. Donc, c'est vraiment la lame qui va donner la dénomination à cette arme-là. Donc, on pourrait croire que c'est parce qu'avec une telle arme, on peut saigner à blanc, donc un ennemi. Mais une autre possibilité, en fait, ce serait la combinaison de deux choses qui fait qu'on désigne ce type d'arme ainsi depuis la fin du 17e siècle. Donc, la première vient du sens de blanc qui, en ancien français du 11e siècle, signifiait brillant ou luisant. Donc, ce qui est bien le cas d'une belle arme qui était bien entretenue. La seconde vient du fait que la lame est fabriquée avec un acier blanc et non en bronze ou en métal doré, tout simplement. Et dans l'évolution de l'histoire du roi Arthur, tu connais Excalibur? Oui. Eh bien, cette épée très célèbre se serait auparavant appelée Caliburne, qui signifie acier blanc. Donc, qui vient de Calibus, qui signifie acier, et Eburnus, qui signifie blanc. Hein? J'aurais jamais pensé, et je suis content de l'entendre parce que je me suis en effet déjà posé la question, ça venait d'où tout ça, arme blanche. Donc. Intéressant. Merci. Oui. Ensuite, on change complètement, on va contraster. On parle de travailler au noir, faire du marché noir. Ah, oh ben là encore, moi je m'embarque pas dans ces commentaires racistes-là. Fait. Donc, c'est travailler clandestinement sans être déclaré, faire du commerce illégal en période de restriction ou de pénurie. Et ça n'a rien à voir avec de le racisme. Non, non, non, non, pas du tout, pas du tout. Hein? Donc, c'est le marché noir généralement associé à la période d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'appellation serait née avant, donc au moins à la fin de la guerre 14-18 en Allemagne, une période où le pays subissait d'importantes pénuries. Donc, on avait le qualificatif « Schwarz », qui signifiait « noir ». Hey, là, ah, puis là, il y a « nigger » dans « Schwarzenegger ». Là, c'est raciste, là. Ah, oh, ben, Stéphanie! Et là, j'excuse mon allemand, là. Et ce qualificatif-là est employé dans plusieurs termes comme Schwarzarbeit signifie travail au noir. Schwarzmarkt signifie marché noir. Ah, il y a beaucoup trop de consonnes. Schwarzschalktung signifie abattage clandestin. Schwarzuren signifie écouter la radio sans payer la taxe, pour ne citer que ceux-là. En passant, avez-vous payé votre taxe, vous autres, à la maison? S'il vous plaît, venez déposer ça dans la fente du studio d'ici 9h30. Ouais, c'est ça. C'est 3 minutes. C'est donc dans l'Allemagne que serait l'origine de nos expressions qui ne seraient que des traductions littérales. Il existe toutefois une autre origine évoquée, ça et là, nettement plus ancienne, puisqu'elle nous viendrait du Moyen-Âge. Donc, selon cette hypothèse, à cette époque, on ne devait travailler qu'à la lueur du jour. Mais bien entendu, certains maîtres, peu enclins à bien considérer leurs ouvriers, n'hésitaient pas à les faire travailler illégalement une fois la nuit tombée à la lueur de quelques bougies. Donc, ça viendrait de là aussi. Travail au noir. Cool. Ensuite. Marquer d'une pierre blanche. Marquer d'une pierre blanche, ça doit être une question de... Je pense que là, si on reste dans le domaine des races, je pense que c'est lancer des roches à quelqu'un pour leur enlever la couleur qu'ils ont. Ah, oh, c'est ça qui est arrivé à Michael. C'est ça, exactement. Il se fait lancer des pierres blanches. Dans le fond, c'est de la poussière de... C'est ça. Ouais. En fait, ça veut dire noter une date ou un événement positif de manière à s'en souvenir longtemps. Mm-hmm. Donc, autrefois, on disait marqué d'un caillou blanc. Non, c'est bien, hein? Pierre, c'est pas correct. Donc, en fait, si on parle le noir, qui est une absence totale de couleurs, et le blanc, qui est un mélange de toutes les couleurs visibles, ont toujours été opposés. Donc, le noir, c'est l'ombre, le malheur, négation, et le blanc, l'éclat, la lumière, le bonheur. Depuis, les pierres blanches, comme les noires, ont des rôles particuliers. Donc, c'est pas un cas unique. Donc, voici quelques exemples. Dans l'Antiquité, les membres d'un jury disposaient de deux cailloux, un blanc et un noir. Donc, selon qu'ils considéraient l'inculpé comme coupable ou innocent, ils devaient poser devant eux le caillou noir ou le blanc. Donc, c'est comme ça qu'ils disaient s'ils croyaient être coupable ou innocent. Ah. À la même période, le caillou blanc qui était gravé au nom de l'invité servait aussi de carton d'invitation pour les banquets. Donc, peut-être un marque-place. Quand, okay. Tu sais, sur les tables, on marquait... Donc, c'était quand même... Réservé à telle personne. C'est ça. Mmh. Ça devait être long, hein, graver... Un peu. Tu graves une pierre, tu la gardes pour la prochaine fois que tu l'invites. Hein? C'est ça. Et sinon, dans une histoire de la philosophie tibétaine, les cailloux blancs marquent les pensées positives et les cailloux noirs, celles négatives. Donc, c'est assez universel, l'utilisation des pierres noires et blanches pour ce qui est du positif et du négatif. Hmm. C'est tout. C'est tout? Ouais. Hey, c'était une bonne chronique, ça, Steph. Sur la thématique des couleurs. Ouais, parce que c'est l'automne, mais on a surtout parlé de noir et de blanc. Surtout des blagues, je trouve. C'est pour... mais ça, c'est... Ouais. C'est ta faute. C'est toi qui m'amène dans le noir chemin. Dans le pas droit chemin. Merci, Steph. Ça fait plaisir. On fait sa plus simple expression les mardis vers les 9h environ. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Maintenant, c'est le temps d'aller parler culture. Salut Michel Matteau. Bonjour, David Jean. Ça va bien? Absolument. Belle journée, je suis content de te voir. Moi aussi. On se voit juste aux deux semaines, fait que quand t'arrives, je suis content de te voir. C'est le temps que t'arrives. Il est temps. Qu'est-ce qu'on fait ces jours-ci, Michel? C'est pour ça, faut que je détende l'atmosphère, t'amener à quelque part. Là. Génial. Bon, OK, on commence, c'est le temps de l'année, qu'est-ce que tu veux. On peut pas passer à côté, c'est le Festival de la poésie. Oui. Du 3 au 12 octobre, on parle de 10 jours, 100 poètes, 30 pays, 5 continents, dans un programme de 360... Ça me donne faim, moi, 5 continents, quand tu dis ça. 375 activités. Excellent. OK, quand même. Hein? Quand même. Ben, avec 30 ans, on parle de combien d'années? En fait, je l'ai même pas noté, mais ça fait quand même... Plusieurs années. Donc, j'ai retenu deux activités que je voudrais te parler parce que ça me tient un petit peu à cœur. Moi, j'ai toujours trouvé que le Festival de la poésie de Trois-Rivières aurait eu avantage à souvent mettre plus de comédiens qui pour jouer les textes, mm-hmm. donner un peu plus d'interprétation, un autre angle. Mais c'est un peu fermé, hein, le Festival de la poésie, quand même. C'est parce qu'il y en a des poètes, il faut rendre à César ce qui est à César, et il y en a des poètes qui sont excellents dans leur delivery. Lecture, oui, exact. Non, c'est vrai. Mais il y en a d'autres que c'est d'une platitude. Oui, leur force, c'est l'écriture. Exactement. Ils sont là pour écrire, ils sont pas là pour le dire. Pour le rendre, oui. Et donc, les deux activités dont je te parle, c'est des comédiens. En fait, il y a un animateur et un comédien qui font... c'est à la salle Anaïs Salarousseau, c'est que le festival accueille des soirées jazz-poésie avec le trio Daniel Lessard. C'est un jazzman, il fait du jazz depuis 63. OK. 1963, ça fait 50 ans. Tout savoir ce qu'il fait. C'est une rareté, c'est un bassiste, mais qui est aussi pianiste avec le temps. Okay. Il vient en tant que pianiste. Évidemment, ça a été adapté pour l'événement. C'est un peu du jazz, un peu expérimental, puis un peu plus poétique, si on veut. Donc, le 4 octobre prochain, le comédien Henri Chassé récite des poèmes de Gérald Godin. Puis, le 9 octobre prochain, Winston McQuaid, un ancien animateur de Radio-Canada, récite des poèmes de Gatien Lapointe. Évidemment, tous les deux seront accompagnés par la formation jazz. Juste un petit mot pour dire que l'ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry, présentera une conférence sur Gérald Godin, justement, l'homme poète engagé, le 12 octobre au Musée de la culture populaire. Évidemment, pour en savoir plus... FIPTR.com. Absolument. 30e festival. 30e. Mais t'étais exactement là-dedans, mon ami. Tu sais de quoi tu parles. Évidemment, quand on parle de Festival de la poésie de Trois-Rivières, on parle du Festival de la poésie de Trois-Rivières. C'est la 8e édition. Ça doit faire plaisir à Gaston. On le salue en passant. Ben, évidemment, le OFF, on sait que beaucoup savent que ça a été mis sur pied en 2007 en réponse un peu au Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Mm-hmm. Une des meilleures idées, je trouve, qui s'est faite, ça, ben, pour Trois-Rivières. C'est toujours bon. Tous les gros festivals ont leur off. Hein. Le festival de jazz a son off. C'est qu'à un moment donné, la culture, qu'on dit poésie plus émergente, différente, les maisons d'édition indépendantes, les écrivains qui sont dans l'ombre, trouvent plus leur compte dans le gros festival. Non. Ou ils n'ont pas de place pour... Exactement. Puis c'est pas parce que le gros festival veut pas nécessairement, mais c'est comme ça que ça finit. Ben moi, je trouve que ça fait de la richesse aux deux. Absolument. Moi, je comprends pas que M. Ouais. Belmore avait trouvé ça. Mais je pense qu'il en parle plus. Non, il en parle plus. Il a pas le choix. Ouais. C'est lui qui aurait l'air clown. Oui, puis ça fonctionne très bien. C'est ça, exactement. Ça se passe au bar Le Maudit. Sauf pour le 4 octobre au soir, ce sera chez Exact. Une boîte de pub bien connue à Trois-Rivières, où lors de la première... Dans le seul building de Trois-Rivières, là. Oui, c'est ça. Le seul building en verre, là, qui avait comme des prétentions pour Trois-Rivières, ce building. Hein. Absolument. Juste la prétention de bloquer le fleuve. Oui. Lors de cette première historique et mondiale, les lutteurs de la WWF mèneront dans le ring un combat acharné contre la poésie gentille. Oh. Que ce soit des skills grammaticaux, une rhétorique violente, l'écriture en tag team ou une esthétique aveuglante, l'Académie des lettres va se faire virer dans ses shorts. Génial. Aussi au programme, j'en ai choisi quelques-uns. Évidemment, le vendredi 3 octobre, il y a la soirée d'ouverture, Péril en la demeure. C'est une soirée consacrée exclusivement aux voix mauriciennes. Donc, on a les Dallaire, Marchand, Dulude, Mongrain, Bon Enfant, La Charité, etc. Ils sont tous là. Un autre soir, le dimanche 5, c'est Gauvreau défenestré. Gauvreau, c'est un gros nom dans la poésie, mm-hmm. mais il est mort, évidemment. Il avait sorti une poésie assez percutante. En fait, ils vont nous présenter Gauvreau en nous présentant l'histoire d'un écrivain qui est seul à sa table de travail et qui discute avec une orange de la liberté totale de l'homme et de la façon d'y arriver. L'homme n'est pas fou, loin de là, il est pleinement conscient que son interlocuteur est un fruit. À travers lui, on parcourt l'œuvre d'un monstre de la littérature, Claude Gauvreau. Et je cite, « Rien n'est plus puissant que l'imaginaire de l'homme, rêvez, aimez et surtout rebellez-vous. » Génial, très, que dire de plus. Et on a deux autres petites soirées dont je veux te parler. La soirée de la poésie et autres paroles, le vendredi 10 octobre. C'est un traditionnel du HOF, ça, qui cherche cette année la poésie dans des territoires un peu plus hostiles et éloignés. Je t'explique, c'est sous le thème, la thématique du redneck. OK, ah oui. Une quinzaine d'invités côtoieront les vieux mantras de la droite. Et entre parenthèses, je me suis mis en particulier ceux qu'on aime le moins entendre. Ouais. Et pour en terminer avec le Hop Festival, il y aura une carte blanche à Je suis venu. Je suis venu, c'est un blog de textes érotiques qui est sur le web. Et ce sera quatre voluptueux acteurs qui nous feront la lecture des textes érotiques écrits par les auteurs anonymes du blog jesuisvenu.com. On aura la chance d'entendre leur voix langoureuse nous raconter des histoires touchantes ou drôles, tristes ou légères, mais surtout toujours torride et affriante. Qu'ils se donnent la réplique ou qu'ils soient seuls au micro, on nous promet que la soirée sera chaude, sexée et totalement impudique. Pour oreilles averties et public game seulement. Très, très cool. Mais gars, ça met un peu de ça T'sais, sans le off, il n'y aurait pas cette couleur-là. C'est ça, on est très, très dans l'académique et dans le régulier. Ben, je pense pas. Je m'étais même mis une petite réplique à la fin. J'ai dit, mais je pense pas qu'on aurait passé ça au vrai festival. Je suis seins nus et je comprends que jamais on ne franchira la porte du motel. Tout se passera ici, sur le carré de gazon, entre les petites promenades de béton, dans les numéros de portes illuminées. Ben, c'est ça. Génial, très, très bon. Évidemment, pour en savoir plus, c'est comme il y a un bon site, le offpoésie.com. Donc, pour rester un petit peu dans la poésie, on a Cossin poétique et Patentagos. C'est quelque chose qui revient à toutes les années, depuis 10 ans. C'est l'atelier Silex qui organise ça. C'est le jeudi 9 octobre. C'est 12 sculpteurs et 5 poètes qui jumelleront leurs talents. Donc, il y aura 65 sculptures Patentagos qui seront l'objet d'inspiration des poètes qui auront l'honneur de signer les œuvres littéraires qu'ils vont créer sur place en s'inspirant des sculptures. J'étais allé l'année passée, puis j'avais acheté d'ailleurs 2 sculptures de Pascal Larrault avec des poèmes de Sébastien Dulude. C'est assez capotant. une très belle activité. Oui, ben je me rappelle que tu nous avais parlé de ça. Parlant de Pascal Larrault, je glisse un mot. Il est aussi au Musée des Ursulines jusqu'au 12 octobre. Il fait une exposition accompagnée de la poète Rose Élisséry, qui est gagnante du prix Félix Leclerc 2013, qui est un prix donné aux 35 ans et moins pour un premier ou un deuxième recueil. Ensuite, je veux te parler... Ah oui, Judith Picard. Est-ce que tu connais Judith Picard? Non. Ah. Quelle femme. Elle expose ses œuvres à Emma, okay. Qui est à la Maison des Vins. Je t'en ai déjà parlé l'an dernier. Dans le vieux Trois-Rivières. Maintenant, c'est rendu la maison pour les gens qui font des métiers d'art. OK. Donc, le centre des métiers d'art. Exactement. Mais du 2 au 24 novembre, c'est Judith Picard qui... Judith Picard, en fait, c'est 30 années de recherche et développement en joaillerie. Okay. Elle fait des bijoux, là. C'est à se rouler par terre. Elle est d'ailleurs la lauréate du prestigieux Grand Prix du Salon des métiers d'art de Montréal. C'est pas n'importe qui gagne ça, là. Il y a du monde elle présente une rétrospective de ses œuvres, puis elle profite aussi du Festival international de la poésie pour collaborer avec Jean-Paul Daou. Jean-Paul Daou, que tu connais, peut-être? De nom, je connais pas. Foubrac, téléphone. Ah, non. C'est-tu pour toi? Non, pas pour moi. Non, c'est Jean-Paul. Ouais, c'est je suis sûr que c'est Jean-Paul. Ah, ben ouais, Jean-Paul? Bon sens. Jean-Paul, es-tu au téléphone? Bye. Jean-Paul Daou, il est chroniqueur, d'ailleurs, c'est un poète, puis il est chroniqueur à une émission à Radio-Canada. Oui. Pour c'est lire. Le poète en résidence. Ouais, c'est ça, ah, oui, exactement. Je sais très bien c'est qui. Je savais juste pas. Je savais que le nom me disait quelque chose, mais j'écoute régulièrement Radio-Can. Voyons. Hey, Jean-Paul, il tient. Jean-Paul, il tient. Tiens, bye. Bon, fini. Ah non, même pas. C'est une farce. Il est même plus plugué, puis il sonne encore. C'est une joke, là. Sérieux, ça en est une farce, vraiment. Bon, merci. Excusez à vous, chers auditeurs. Il y a un téléphone. Jamais le téléphone sonne ici. Et même pas, il y a personne supposé de connaître ce numéro. Oui, mais c'est justement Jean-Paul. C'est lui. Écoute, il est assez particulier, vibre, en plus, lui. Il vibre jusque dans le téléphone. Oui. Ben, Jean-Paul, ben, il va ajouter à son exposition... à Judith, une espèce de nuance poétique sous le thème « Éclat de lumière ». C'est des textes inspirés des bijoux de Judith. Okay. De Judith. Elle exploite en fait les métaux nobles et bruts, l'argent, le cuivre, le laiton, qui sont mariés avec des pierres semi-précieuses, de la pâte de verre, des roches métamorphiques, marbre, granit, ardoise. Okay. C'est vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, j'ai monté une de ses expositions à la salle Raymond Lagnier de la culture, il y a de cela plusieurs années, lorsque je sévissais. Et depuis, je suis vendu à son art. C'est vraiment une fille vraiment authentique. Allez voir ça, ça vaut le détour. Puis le pire, c'est que c'est relativement abordable. C'est ce que je m'en allais dire. C'est-tu possible de s'en acheter? Exactement. Du Judith Picard, j'ai toujours... trouvais ça assez abordable. Là, où est-ce qu'elle en est dans ce... Tu sais, quand ça fait 30 ans, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus ces prix. Oui. Mais elle se faisait un devoir de rendre ça abordable au plus de gens possible. C'est pas une, dans une catégorie de prix que juste les hors très de riches prix, là, peuvent ça. Se servir. C'est une bonne chose, ça. Absolument. C'était une question qui me brûlait les lèvres depuis tantôt. J'étais là, ouais, mais ça doit être cher depuis 30 ans, même mais 80 ans. J'en parle de façon dithyrambique parce que je l'aime beaucoup. Exact, ben, c'est tant mieux. Et juste un petit mot sur les expositions à la galerie R3 de l'UQTR. Ça m'avait passé entre les mains, entre les doigts la dernière fois. Ça se termine demain. Okay. Mais je trouve l'idée intéressante, fait que je vais en parler si vous avez le temps. Ben oui, aujourd'hui, demain. Moi, je vais aller faire un tour après l'émission. C'est la dernière journée demain pour voir une exposition qui regroupe des œuvres sur papier réalisées grâce à un processus de création en réseau. Un genre de cadavre exquis, exactement, semble-t-il. Hein? Exactement. Chaque œuvre est née du travail de trois artistes de différents pays, puis qui, à tour de rôle, ont collaboré à l'avancement de l'ouvrage. Donc, c'est pas ensemble, c'est ils le prennent. Quelqu'un commence, c'est l'autre, puis c'est l'autre. Puis l'autre le finit. Exactement. Ça vient, c'est évidemment de l'UQTR, de l'Université de Bogota, puis de Mexico. J'adore les genres de cadavres exquis. J'aime ça parce que ça l'amène les œuvres à des endroits tout le temps inespérés puis bizarres des fois. Absolument. Chacun a son esthétique. Exact. Hein, chacun regarde ça puis lui voit quelque chose puis il l'amène ailleurs des fois. C'est très intéressant, autant en art visuel qu'en art... Même il y en a en vidéo qui ça existe en court-métrage, ça existe en plein de choses. Ce genre de travail, j'adore. Bon. Théâtre maintenant. Oui, le théâtre. La clôture de l'amour. Oh! Qui c'est le théâtre de Katsu. OK. C'est rare que je parle de choses qui viennent de la salle Thompson parce que on s'en était déjà parlé. Ils ont assez d'argent pour se promouvoir. Mais c'est le théâtre de Katsu qui est en tournée à la salle Giantonio Thompson le 7 octobre. C'est avec Christian Bégin, de Curieux Bégin de Télé-Québec, et Maude Guérin, qui, là-dedans, semble-t-il, est extraordinaire. Elle transcende la scène. En fait, la proposition s'inscrit au moment précis d'une rupture amoureuse. OK. Clôture de l'amour, en fait, c'est construit en deux parties, sans dialogue. OK. C'est, ils sont deux, sans dialogue. La première heure est constituée du monologue de l'homme, Stan, qui veut se séparer. De sa femme. De sa femme. La deuxième partie, c'est la version de la femme Audrey qui présente sa défense puis qui est sans merci, ça a l'air. Sa fesse. Lui, il a passé en premier, mais elle passe au bat après. Elle passe en deuxième. Puis, semble-t-il que c'est leur silence qui sont les plus éloquents. Okay. Parce que même si c'est des monologues, les autres sont là. Là. Ils reçoivent le stock. Là. Fait que... Ah, intéressant. C'est semble-t-il que les silences sont plus forts que le discours. C'est tellement c'est on oui, est, ils sont bien placés on vit ça. Ce que l'autre est en train de recevoir là. Mm-hmm. Fait que le regard de l'autre est omniprésent puis aussi il est nécessaire dans la pièce. Fait que ils disent dans le texte de présentation que Stan encaisse ce silence avant de sombrer et de se liquéfier dans une flaque d'émotions. ça frappe. Ouais, ça frappe. Fait que d'ailleurs c'est une pièce qui a reçu un succès international, c'est pas un auteur d'ici, c'est un auteur français. OK. Petit mot sur la Ligue d'improvisation mauricienne, qui en est à sa 32e saison quand même. Respectable. Elle débutera le 14 octobre avec une joute hors concours visant à présenter chacune des équipes. La LIM présente ses spectacles improvisés tous les mardis soirs d'octobre à avril à la salle Louis-Philippe Poisson de la Maison de la Culture. La saison de la Luitre aussi, l'université, est débutée. Puis le troisième match aura lieu le 6 octobre, Orange contre les Bleus à la Chasse-Galerie. Donc le lundi, c'était à la Chasse-Galerie. Le mardi, c'était à la salle Louis-Philippe Poisson, si vous aimez l'impro. Exact. Pascal Picard, qui est à la Salanée Salard-Rousseau de la Maison de la Culture le 16 octobre. Évidemment, après une arrivée assez fracassante dans le paysage musical québécois avec son premier album « Me, Myself and Us ». C'est ça. 300 000 copies vendues. Oui, ça a tellement bien été pour elle. Là. C'était assez magique. Mais elle nous revient avec « All Thing Pass », nous livrant une musique que j'ai bien aimée. Je l'ai écoutée cette semaine. C'est une première écoute. même si je trouve ça un peu commercial. C'est un petit peu commercial, c'est jamais mieux. Son premier était meilleur. Ouais, c'est vraiment. Ça. Là, ouais. Mais des fois, c'est comme un cliché de dire ça, mais là, ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais quand même, elle tente de se renouveler un peu. Fait que c'est pour le geste, je trouve ça intéressant. Je l'entendais interviewer à Radio-Canada mardi dernier, puis elle disait que le spectacle serait plus up-tempo que le dernier album, parce que en fait, elle va jouer les succès les plus enjoués, oui, entre guillemets, de ses trois premiers CD. Donc, ça va être un genre de spectacle greatest hits. OK. Ben ça, c'est une bonne chose, parce que souvent, les gens qui n'ont pas suivi, mettons, qui ont vraiment trippé sur le premier, pas nécessairement connu le deuxième ou le troisième, veulent être quand même heureux et aiment Pascale Picard. Je pense que c'est une bonne chose pour elle. Oui, je pense qu'elle a pris une bonne décision. Oui, très, très bonne décision. Là, je vais te parler de mon coup de cœur de la semaine. Oui. Philippe Braque. Ah, ben oui, charmant jeune homme qu'on aura sur les ondes mardi prochain, ici même, pour une entrevue et puis même une prestation. La Foire et l'Ordre, son dernier album. Il est le 16 octobre à la salle Louis-Philippe Poisson. Donc, si vous voulez y aller, c'est pas grand, la salle Louis-Philippe Poisson, donc dépêchez-vous si vous voulez avoir des billets. Philippe Braque vient du Saguenay. Certains persisteront à reconnaître dans ses chansons le fameux son du lac. Ben, à la Fred Fortin, à la Dédé. Exactement. Là. Chose certaine, c'est de la chanson... C'est du folk, c'est du rock, c'est un peu de country, même, je dirais, par moment. C'est des textes qui parlent, pour reprendre une vieille expression des libéraux, des vraies affaires. Ça a de la mélodie, de l'irrévérence, c'est brut. Ça nous sort de notre zone de mais confort. Mais tu dis c'est brut, mais brut, beau. Je vais t'expliquer ce que je veux dire rapidement. C'est que moi, quand je l'ai entendu la première fois, tu peux faire un rapprochement avec cet artiste-là avec un peu Bernard Adamus, moi, je trouve. Mais, et là où est la différence, parce que moi, j'aime pas vraiment Bernard Adamus, parce qu'il veut toujours comme ça soit brut plus que brut, puis sali. Lui, c'est pas ça du tout. Il y a un son, comme mettons sur l'album, ça sonne bien. J'ai entendu des trucs sur YouTube, il est juste lui avec sa guitare, sa voix, ça sonne bien. C'est juste, son timbre de voix est très, très beau. Sa guitare, justement, son jeu à la guitare est vraiment posé. T'sais, il joue de façon très posée et il a pas peur des silences dans des pièces. Souvent, il va avoir une toune, il va faire le refrain. Fou, ça coupe, le couplet embarque. Il y a toujours des bonnes grosses pauses. Et ça, j'ai adoré ça. Donc, c'est brut, mais doux. Mais d'ailleurs, dans son texte de présentation, il parlait de sans compromis. C'est pas un gars qui fait des compromis. Il se lance dans son affaire, puis il va te le donner comme il sort. Là. Mais comme tu dis, c'est travaillé. C'est très travaillé, mais ça. En même temps, le gars, c'est un talent naturel. Total, il a pas l'air de forcer quand il chante, c'est très très beau. Et puis je sais pas, la vidéo que j'ai vue, il reste d'une place avec des animaux, avec des chats. C'est hallucinant. Là. Mais il est drôle, il est oui, très drôle. Mais c'est comme chez eux, c'est comme un refuge d'animaux, puis c'est pas des farces. Là, c'était ça la vidéo que j'ai été voir. Okay. Là, j'étais en train de me demander si tu là que tu. Mais je pense que oui. Mais je pense qu'il y a de quoi avec les animaux. Là. On le voit sur la pochette avec son gros Maine Coon ou son gros lynx. Assez particulier. Ben, il a commencé sa carrière, lui, avec la formation Buffet Froid. Oui, on a fait jouer déjà. Puis il disait, j'ai fait le Saguenay-Lac-Saint-Jean d'un bout à l'autre, osant même s'aventurer jusqu'à Montebello, mais rien qu'une fois. Il a fait les Francophonies de Montréal en 2012-2013. C'est pour ça que Bernard Adamus, il a fait les premières parties de Bernard Adamus, de Vincent Vallière puis des Sœurs Boulay. Mm-hmm. En 2013, en fait, ça a été le point tournant de sa carrière. Il s'est illustré au Festival international de chansons de Granby, de Petite-Vallée. Il a remporté ma première place des arts, puis il a remporté la 18e édition des Francouvertes. Puis en plus, il a remporté le prix de la chanson de l'année avec la Socan. Ben, j'ose ça avec ça. ça part bien. Ça va quand même bien. C'est ça. Ben, allez, un petit conseil, allez voir son site. Puis lisez, il y a un fil de nouvelles. Puis il y en a des drôles. Il dit, par exemple, j'ai envoyé mon album à Pierre Harel. J'étais curieux de savoir ce qu'il en penserait. Mais je pensais jamais l'insulter à ce point-là. Watch out, mon beau loup. Je travaille déjà sur le deuxième album, puis tu risques de le trouver plate en crisse. Ça tombe bien. Justement, j'ai une joue qui est lisse, comme ta peau de bébé, j'en ai une autre. Aïe, aïe. OK. Fait que PS, ça s'écrit B-R-A-C-H, mais ça se prononce Braque comme Fou Braque. Ouais, vraiment. Donc, suite de ça, au Gambrinus, groupe local, les gars de Mashup, qui font le lancement de leur premier album. Ils sortent un premier album. Ça va être le 7 octobre au Gambrinus. Et la semaine suivante, c'est Bradycardie. Au Nord-Ouest Café, le 16 octobre, il y a Manu Malitari. Manu Militari. On l'a manqué tous les deux. Exact. Qui va avoir des invités. Et au rond-coin de Saint-Élie-de-Caxton, il y a Bartoulan. C'est le projet solo d'Igor Bartula qui était avec les Gitans de Sarajevo, Malade Mantra et Flamenco Nuestro. Il a déjà été avec Caïman Fou, il a déjà été avec plein de monde. Il a gagné le premier prix comme compositeur au Festival de la chanson de Petite-Vallée en 2002. Il est né à Sarajevo, mais il habite le Québec depuis 1996. Il présentera son tout premier album, aux couleurs traditionnelles de son pays. Puis moi, je trouve tellement que ça a des consonances de cirque. Là. C'est très vivant. On se croirait dans un cirque. C'est toutes des petites tounes. C'est pas long. C'est vraiment court. Fait que c'est à voir au... C'est un talentueux, là, Igor Bartula. Ouais. Sympathique, en plus. Vraiment gentil. Et Geneviève Toupin, je t'en parle, le 10 octobre, Centre culturel, au Pauline Julien... Le 10 octobre, c'est une Manitobaine émigrée à Montréal. Elle chante en français et en anglais. Ses chansons rappellent un peu les grands espaces de son Manitoba natal, mais c'est pas mon genre. Fait que je vous en parle parce qu'elle vient pas souvent à Trois-Rivières, mais si ça peut intéresser quelqu'un... C'est tant mieux. Exact. Mais non, mais gars... Ben, c'est vraiment c'est smooth. Parfait. C'est un smooth. Là. Il parle de mélodie aérienne et une voix à vous bouleverser en douceur. Elle a gagné un paquet de prix. Comme tu dis, ça peut intéresser tout quelqu'un. Tout dépend du mood là, dans lequel tu te trouves. Ouais, mais il y a des trucs comme ça qui sont très, très bonnes en écoute, des fois chez soi ou dans plein de temps. Mais ben, peut-être qu'en spectacle, des fois, moi, c'est un petit peu plus difficile quand il faut que tu... T'es gêné de respirer ou presque quand le spectacle a lieu. Là, ben, je t'avais parlé la dernière fois de la... C'est pas le même genre, mais de la fille de... Voyons, qui chantait l'ours. Là, Oui, Tricomachine. Tricomachine. Ça a été... Il embarque dans un mood smooth, puis il reste tout le temps. Ben, t'as vu, nous, on l'a eu, puis ça a pas levé quand même. Ah, c'est son album tout seul. Là, ouais. Il n'y a pas Catherine, je ne sais pas qui, là, ouais, s'appelle, je me souviens Catherine. Pas de son nom. Mais c'est Catherine de Tricot et Machine, oui. C'était pas mauvais, mais ça n'a pas levé jamais non plus. Surtout en spectacle. C'est parce que des albums comme ça en spectacle, qu'est-ce que tu fais? T'sais, tu vois, Pascal Picard, elle a choisi, c'est ça? Ben, elle peut pas. Si elle présente son dernier album en entier, ça n'enlèvera pas. Non, c'est ça, exact. C'est exactement ça. Non, mais pour vrai, c'est parce qu'il y a plein de bands qui me viennent comme ça que je trouve très bon à écouter, t'sais, autant en voiture, en plein d'occasions, mais en spectacle. Et puis c'est ça qui est dommage, c'est que désormais, c'est le spectacle qui fait vivre un band de musique. Ça. Mais c'est triste parce que la musique, on dirait qu'il est plus relax. Même moi, en électronique, j'ai changé mon son. J'allais parler de Biobazar. Puis si tu faisais que ton dernier album d'un bout à l'autre. Là. J'ai joué dans un party samedi à Montréal, dans un party qui a vraiment bien fonctionné. Mais sérieux, j'ai pas joué une toune de mon dernier album. T'as... Aucune! Puis j'en ai joué des nouvelles que j'avais faites un peu plus up-tempo parce que, sérieux, c'est difficile à vendre. Je prends juste East Road, que j'adore, le groupe East Road. Mm-hmm. Mais en spectacle, t'es gêné, faut pas tu tousses parce qu'il y a tellement de petits sons. T'entends, t'sais, le son de la corde de guitare est important presque. T'sais, le petit bruit comme artefact quand tu lâches ta corde fait partie du spectacle. Alors, t'sais, t'es un peu gêné de niaiser, puis boire une bière, puis de t'amuser avec tes amis. Ben, la seule chance qu'ils ont, c'est s'ils sont dans une salle de spectacle. Si tu vas les voir dans un bar... Dans un bar, oublie ça. Je pensais à Catherine de Tricomachine dans un bar. Tu peux pas, c'est ça. C'est parce que si déjà il y avait une ambiance dans le bar, il n'y en a plus. Là. Tu viens de la tuer ou tu tues le spectacle parce que tu empêches l'artiste de travailler. C'est un peu difficile pour les artistes en musique en 2014, surtout si on est très calme. Hein. C'est plus le festif qui marche. Ouais. C'est comme ça. Dans la région de Shawinigan, il y a un événement très intéressant. Probablement, ça va t'intéresser, ça a rapport à la photographie. Ça s'appelle Megapixel. OK. Ça dure du 3 octobre au 2 novembre. C'est l'art photographique à Shawinigan est de retour. C'est une quatrième édition. C'est pas le début de ça. C'est le seul événement photo en Mauricie qui propose 7 expositions. Puis tout cela, ça va être sous le thème de l'eau. Et il sera possible aussi d'admirer les œuvres photographiques de photographes de renom, évidemment, au Centre des Arts, puis à l'extérieur, à la Place du Marché. Je vais t'en parler d'une coupe que j'ai trouvée plus intéressante, que j'ai sortie. Il a plongé sous glace. C'est un gars qui s'appelle Mario Cyr. C'est un cinéaste des profondeurs. Son créneau, en fait, privilégié, c'est la plongée sous les glaces, dont il est devenu l'expert par excellence. Il capture la vie marine. Puis la lumière bleue, genre hallucinante. Puis il dévoile toutes les beautés naturelles, tout en sensibilisant le spectateur aux enjeux environnementaux, écologiques, préservation du milieu. C'est une pierre deux coups. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, lui... Ça doit être magnifique. Ça m'a toujours fasciné. Tu sais, comme j'ai déjà vu un reportage, c'était à l'intérieur de iceberg dans le fond, tu sais, dans l'océan, parce qu'on sait la partie la plus grande d'un iceberg est en dessous de l'eau. Mais il y a des tunnels, des couleurs qui sortent de là. Ça doit être... sérieux, ça me fait penser à ce que tu me dis. C'est un des tops. Puis il y a deux ciné-conférences pendant l'événement. Puis lui, il en fait une. C'est un Québécois, lui? 10 octobre, Mario aussi. Ouais, mais c'est... Ouais, probablement. Mais c'est pour ça, c'est que son nom, moi, je l'ai comme pas entendu. C'est pareil, dans une conversation, souvent les noms, je les entends pas. Mais ce qu'ils font m'intéresse. Ouais, donc, c'est Mario aussi. Mario aussi, c'est ça, comme je te disais, il y a deux ciné-conférences, dont lui, il en fait une le 10 octobre. Ça va être la présentation du documentaire. C'est drôle, t'en parlais, mais c'est Eyes Bear. Ah! Génial. Puis là, évidemment, la nature va être présentée comme un héritage à conserver. Mario Cyr, c'est l'un des rares caméramans de plongée en eau froide au monde. Puis son documentaire Iceberg 3D, je ne sais pas s'il va être 3D parce que ce qu'ils m'ont... Ils ne seront peut-être pas équipés pour ça. Ouais, mais ça, c'est pas mais ça grave, lui a valu quand même une nomination aux Emmy Awards en 2014. Ce qui n'est pas rien. Non. Il y a une autre chose qui semble assez festif, puis le gars est arrivé au bon moment pour prendre probablement des bonnes photos. Ça s'appelle Ting Nian. C'est la grande fête de l'eau en Birmanie. OK. C'est Jean-François Leblanc. Tous les ans, le 16 avril, en avril, c'est le premier mois de l'année au calendrier birman. Birman, OK. Tout le pays célèbre la fête de l'eau, c'est-à-dire le nouvel an bouddhique. Donc, c'est la plus grande fête de l'année. Puis là, les gens se lancent de l'eau les uns sur les autres. L'eau est considérée comme un instrument de purification. Fait que c'est censé apporter la paix, la prospérité, le bonheur pour l'année à venir. Donc, il a réalisé ça lors de son séjour en Birmanie en 2012, alors qu'il allait couvrir les premières élections démocratiques dans ce pays depuis 23 ans. Donc, ces photographies couleurs de grand format, ça jette un espèce de regard inédit sur les célébrations qui se sont avérées particulièrement festives en cette année de victoire électorale de Yong... Ton birman n'est pas trop juste, hein? Aung San Suu Kyi. Bon, parfait. Qui a été prix Nobel de la paix en 91. C'est quand même un prix Nobel de la paix qui est devenu président du... La Birmanie. Donc, il est arrivé au bon moment. Il est arrivé carré dedans. Là. Ouais. Fait qu'il doit avoir des photos. Les photos de l'eau qui s'est envoyée. Les gens qui se pitchent. Ça doit être beau, ça. Oui, vraiment. Toujours à Shawinigan, Montréal Guitare Trio. C'est à la Maison de la culture de grand-mère le 3 octobre. Beaucoup d'énergie, virtuosité, de l'humour aussi. Il était trois guitares classiques. Je l'ai vu sur vidéo. Puis il faisait un cover de Rush. OK. C'est hallucinant. Il y a aussi The Bright Road et Runny Ray, qui a été le coup de cœur au Wildwood, le Festival de la solidarité musicale de Shawinigan. C'est David Robert, des Tueurs de Roche, avec les frères Lemay, qui a collaboré à leur album. Puis il les accompagne jeudi prochain, le 9 octobre, à la Maison de la culture de grand-mère. Et pour finir, en terminant, pour ceux qui ont raté le long week-end du cours dont je t'avais parlé, justement. Ben vendredi dernier, c'était vendredi dernier, c'est-à-dire au cinéma Le Tapis Rouge, puis tout le week-end, il y a la programmation mauricienne qui est rendue disponible à la Fabrique culturelle sur Télé-Québec. Cool. Fait que tu peux aller voir tous les cours qui sont de la Mauricie. Ah, génial. Donc, lafabriqueculturelle.tv, dossier, mais bon, c'est assez facile à aller à la Fabrique culturelle et ça va être parfait. Donc, je termine là-dessus. Ben merci beaucoup, Michel Matteau. Tu nous laisses des trucs à faire en masse. Ben bonne poésie. Ben oui, bonne prochaine deux semaines. Et puis, ben oui, c'est ça. Je reviens juste un petit... Le Houlon Week-end du cours, j'avais tellement une fin de semaine de fou qu'il n'y a pas une minute que j'ai pu trouver. Mais j'ai trouvé que, à part toi qui en avais parlé peut-être un deux semaines avant, je trouve que leur... On ne le savait pas nulle part, je trouve. Il a manqué beaucoup de promouvoir cet événement-là, je trouve, parce que c'était vraiment quelque chose d'important, je trouve, parce que c'était un projet comme qui est un test en plus, c'est un projet pilote, parce que, mais ils veulent le reconduire, je pense, l'année prochaine. Ben, à toutes les deux semaines, il ne faut pas manquer la chronique culturelle. Avec Michel Matteau, dans le Dîner de con. Et puis, comme tu nous as parlé de Philippe Braque, ben pourquoi pas aller se faire plaisir avec une petite pièce de ce monsieur. Il y a justement une pièce qui est dans le palmarès ici, assez fou. C'est la pièce « Dans ma tête ». Ben, on va aller écouter ça tout de suite, mon ami Michel. À bientôt. Salut, Danny. À deux semaines. Bye. Dans ma tête, on est une gang à se partager la fête. On est ben dans ma tête. Tout le monde se parle, personne s'écoute, mais est-ce qu'on est ben dans ma tête. Y'a juste une chaise pis y'a pas de musique. Tout le monde se baisse quand je prends la statique. Je veux pas finir comme mon vieux père dans un asile à chercher mon air. C'est plus facile. J'irai jamais tout seul sur mon île, entouré par une bande d'avoriens qui aiment ça pleurer pour rien. On est bas dans ma tête. On est une gang à se partager la fête. On est bas dans ma tête. Des fois il peut manquer un boulon. Des fois on fait juste ce qui nous tente. Des fois on est continuellement con sur le double fait de 40. Dingo. On rappelle que ce n'est pas une carte pleine. On joue seulement dans les quatre coins. Seulement les coins. On reste un coin. J'avoue c'est difficile. J'suis pris dans le piège, j'suis vieux scellé. Encerclé par une bande d'historiens qui aiment ça me rappeler pour rien. Comme une fleur de tournesol. Ben quoi c'est rare que j'encule mon âme ou que je parle le nom de ma boussole. Non, non, non, non, non, dis-y pas, hein, hein. On a tout du fun en gang. Ne mettez-moi pas en tabarnak. J'pourrais retomber sa mauvaise tête. Venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.